Bienvenue dans Intérieur Nu pour un épisode qui arrive avec 2 semaines de retard. Eh ouais, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Enfin, entendu du coup, parce que c'est un podcast. Et vous pouvez légitimement vous demander si c'est parce qu'on a préparé un truc de ouf pour cet épisode ou parce qu'on a travaillé sur un gros projet pendant tout ce mois. Mais non, non, pas du tout. Hein. Juste, je veux même vous dire qu'après 2 épisodes enregistrés dans un studio professionnel, là on est de retour avec nos bons vieux micros qui saturent. Et ça fait plaisir. Bienvenue dans Intérieur Nuit, épisode 8. Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Salut à tous. Oula, ça a saturé, ça a saturé direct. Oui. Ça a saturé. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. Comment on fait déjà? Là, je... Alors, il a tout. J'ai un nom, on enregistre pendant qu'on parle d'un film. Parle plus proche du micro, s'il te plaît. Incroyable. Ok. Bah parfait. Du coup, je vais vous présenter un peu pour cet épisode 8 d'Intérieur Nuit. J'ai failli me tromper de nom de podcast quand même, c'est dingue. Bienvenue dans 2 heures de perdu. Vraiment, on copie beaucoup de choses. Oui, énormément. Donc je vais vous présenter, on a 2 invités ce soir avec nous. Mais d'abord je vais présenter mon acolyte de toujours. Oui. Mon co-animateur. Ouais. Son plat préféré, c'est la pizza à l'ananas. Il aime bien courir après les pigeons pour leur faire peur quand ils se promènent dans la rue. C'est Antonin. J'ai 3 ans, visiblement. On applaudit à tous. C'est bon, merde. Ensuite, elle est championne départementale de saut à l'élastique. Et elle a découvert la Creuse, c'est Noémie. Oui, c'est vrai, exactement. On m'avait jamais aussi bien décrite. Figure-toi que j'ai lu ton article scientifique dans Science et vraiment j'étais. Parle plus près du micro. Mais ah, c'est compliqué. Ouais, tu ne savais pas. Bah, c'est normal, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est un peu ma petite fierté. Très modeste, on peut le dire. Oui. Ensuite, elle a fait la une du Dauphiné libéré pour avoir combattu un ours à main nue. Bon, c'était un bébé ours, mais quand même, c'est quand même un truc de ouf. C'est Christina. Oh mon dieu. C'était Ted en fait. c'était un ours en peluche. On applaudit pas. Ah si, moi j'applaudis, je suis impressionnée. Oui. Et voilà. Et toi et Théophile, la et moi pub, je suis Nagui tout simplement. Bah voilà. Tu es le tiré à addition de mon Laurent Baffy. Oui, tu es là uniquement pour faire des vannes, on le sait. Oui. Du coup. Alors, parce que on va prendre un petit ton plus grave, parce que là, il y a du petit jazz là qui passe. Mais aujourd'hui, c'est un épisode sur quoi? Les films d'horreur. Ouais. Ah ouais. Et là, la peur. Voilà. La tension monte. La tension monte. on va parler évidemment des films d'horreur. Et est-ce que quelqu'un pourrait rappeler? Juste, pourquoi t'as mis la BO des Bronzés font du ski là, pendant qu'on parle? Ah oups, pardon. Je suis bourré. Non, c'est bien. Okay. C'est bien. L'exorciste. My bad. My bad. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui pourrait dire le principe de l'émission? Alors j'ai envie de me tourner vers toi Noémie, parce que elle, je sais qu'elle connaît à peu je près. Je parle mieux. Ah d'accord, mais moi aussi je connais, hein. J'en ai écouté 1,5. Ah ouais bon, mais donc, ouais. Moi j'en ai écouté que 3. J'ai tous écouté. Et bah le principe c'est de prendre un genre de film, en l'occurrence les films d'horreur, et tous ensemble d'imaginer un scénario. Voilà. C'est formidable. On résume les clichés, hein. On casse les codes, évidemment. Et oui. Et après, on écrit un film avec ça. Et oui, oui, oui. On oui. sortira pas. Et oui. Donc voilà, et donc on est de retour avec notre vieux matos là, donc c'est cool. Mais j'ai téléchargé un petit logiciel qui va me permettre de faire des petits trucs, par exemple, lancer un petit Jean-Pierre Mocky qui s'énerve. Alors, voilà, il est là. Jean-Pierre Mocky. Si jamais ça s'éparpille, je vous préviens, il y a Jean-Pierre Mocky qui arrive. Voilà. Ce sera notre transition pour le début du film. Voilà. Oui aussi. Le film commence. Jean-Pierre Mocky qui gueule moteur sur son technicien son. Et puis après, si jamais on hésite à mettre un truc dans le film, Il y a François Truffaut qui peut venir et nous expliquer que... On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Merci François. Bah, tu veux pas prendre un petit café? Non, bon. Mais il est déjà parti, François. Pourtant, on fait du bon café. Mais on fait, c'est ouais, ouais. Bah, c'est soluble, mais c'est quand même pas mal. C'est ultra cool. Bonjour, c'est Théophile du futur. Au début, j'avais oublié de dire, de vous dire de laisser des étoiles pour, sur iTunes pour faire monter le podcast. Mais faites-le. Voilà, c'est parce tout. Que c'est sympa et si vous aimez, si vous aimez bien. Attends, voilà, qui es-tu? Oh mon Dieu! Tu es Antonin du futur. Le futur. Allez, on retourne dans le présent. Dans le présent. Alors, on parle des films d'horreur maintenant. Bah, parlons des films d'horreur. Des films d'horreur qui comment? On commence avec des invités peut-être. Bah, effectivement, ouais, ouais. On commence avec bien sûr. Alors, à ma gauche, Christina, parle-nous de ton expérience avec les films d'horreur, des films qui t'ont marqué, que tu as aimé, que tu n'as pas aimé, etc. Tu connais le principe. Je vais pas. Etc. Allez. Eh bien, comme une bonne enfant, j'ai commencé par les films paranormaux, avec des fantômes inspirés d'histoires vraies. Et c'est ainsi que pendant 5 ans, je n'ai plus regardé de films d'horreur. Comme par exemple, quel film? Eh bien, j'ai fait la bêtise de ne pas les regarder comme ils s'appelaient, mais c'est la fameuse maison célèbre aux États-Unis. Les Winchester. Ouais, non, ça c'est vraiment une marque de, c'est une marque de fusil, les Winchester. Bah oui, mais c'est la maison. Non mais peut-être pas. Ah, Amityville. Pas les deux. Oui. Ah, c'est Amityville, ça. Oui. Oui, mais parce que t'as aussi. Jamais osé le regarder. T'as aussi le manoir de la femme du mec qui a inventé le fusil, le Winchester. Ouais, ok. Et qui en fait. Pensait que sa maison était hantée par des esprits. Bah, en fait, tous les morts de ses carabines. De la carabine Winchester. Et du coup, elle c'est bien fait pour sa gueule. elle a rien fait, c'est le mec. Et du coup, elle a construit. En fait, elle n'empêche. Pendant toute sa vie, son manoir, en gros, était en construction. Et genre, ça faisait des trucs vraiment un peu. Sans aucun sens, par exemple, t'as des portes qui ouvraient nulle part ou des escaliers qui montaient sur mais pour perdre en fait. On a tous un peu vu les reportages. Voilà, on a tous vu les qui, je le rappelle, traversent les murs, donc peu efficace. L'émission 30 histoires les plus mystérieuses. Oui, bah oui, sur TF1. Oui, voilà, voilà. Moi j'ai vu dans Vendredi tout est permis, mais c'était. Chacun son truc. Non, mais Amityville, donc ouais, et quoi d'autre? Oui. Bah, comme je l'ai dit, il y avait, je crois, la maison de cire, un vieux film dégueulasse. Des choses comme ça. Je peux pas t'aider là, je connais pas ce film. C'est vraiment, mais dans tu regardes vraiment que des films dont tu connais pas le titre ou... Non, mais ça s'appelle La maison de cire. Ah. Et donc, après ces expériences paranormales, j'ai donc arrêté les films d'horreur. Et puis. C'est dommage. Et puis, sous la pression des personnes, notamment à la période d'Halloween. Je sais pas ce que vous avez avec cette période pour regarder les films d'horreur, mais... C'est la fête des morts. C'est un peu le moment. C'est une fête américaine. C'est très commercial, il faut le dire. C'est comme Noël, c'est commercial. La Saint-Valentin, c'est un peu rien. Le 14 juillet. C'est pour vendre le cap. Hein. le 14 juillet est une fête commerciale. Non, pour vendre pour des vous petites dire... prisons de la Bastille. J'arrête, pardon. Parce que c'est Halloween, du coup j'ai regardé L'Exorciste. T'es pas obligé de chuchoter. Ouais, c'est pas parce que c'est les films d'horreur que. Ah, mais L'Exorciste qui m'a d'ailleurs inspiré pour jouer Betty dans Les Sorcières de Salem. Bon, non, mais maintenant faut que t'expliques. Ouais, quoi, parce que là tu peux pas balancer ça. c'est bon. Les gens n'ont pas la ref. Voilà. Oui. Moi non plus, déjà. La première personne étant moi. Bon, je vous dis juste que Betty fait semblant d'être possédée, voilà. Non, parce que tu as joué. Non, mais lisez le livre, c'est toi, dans la pièce. Lisez le livre. C'est un classique. Tu as joué dans Les Sorcières de Salem, oui. Arthur Miller. Voilà. Exactement. Et donc, je me suis inspirée de cette fameuse fille qui s'est faite. Enfin, qui s'est faite vraiment possédée par un démon, pour le coup. Et puis qui s'est faite exorciser de manière. par un exorciste. Ah, c'était pas vrai, hein. C'était un film. C'est ouais, c'était, vrai, c'était un film. C'est inspiré de faits réels. Oh bah ouais, oui, oh, on les connaît. Ah mais moi j'y crois. Hein. Hey, tu ce film est tiré d'une histoire. Tout le monde le hein. Bon. Et puis d'autres. pas d'argument. Une histoire, mais uniquement énervé. Et quoi d'autre? Plus récemment, il y avait aussi Get Out. Évidemment. Ah, mais oui. Évidemment. Qui m'a fait moins peur que, par exemple, Annabelle, des choses comme ça. Mais qui ne fait pas vraiment peur. C'est un film d'angoisse. Ouais, c'est un film d'angoisse. J'ai trouvé glauque. Film d'ambiance. Ouais. D'ambiance. Mais j'ai trouvé très sympathique. Voilà. C'est comme ça que je me représente l'Alabama, ce qui est cool. Et les gens racistes qui tuent des noirs. C'est les États-Unis entiers. Si je ne rigole pas, c'est parce que je n'ai pas vu le film. Hein. C'est pas parce que c'est Tu n'as pas vu. Bah dans le. Je n'ai pas vu Get Out. Regarde-le, il est très bien. Oui, je sais qu'il est très bien. Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde, mais évidemment. Moi, je l'ai vu assez tardivement, quand même, il faut le dire. Hein. Je l'ai vu il y a genre 2 mois. Mais du coup, récemment, ils ont sorti un film, comment ça s'appelle, Ma, avec la. Ah oui, dans le même genre. Même Us. Non, si, oui, il y avait Us. J'ai pas vu Ma, oui, avec la. Mais c'est l'inverse du coup. Mama, moi j'ai vu Mama. Non, c'est Ma. Mama, c'est la version québécoise. Parce qu'ils sont pas du ouais, tout. Okay. Je sais pas. Mais là-bas, c'est vraiment. Et là, tu partais d'ici, donc bon. Ah, mais oui, c'est genre. Ah oui, je crois. Oui, c'est avec. Bref. C'est un film Blumhouse, et Blumhouse, c'est une société de production qui adore produire ce genre de film. D'accord. Film d'horreur avec des tueurs. Wow, c'est masqué. Quelle voix Comment Tu as pas une voix particulièrement sensuelle. Ouais. Pas du tout. Alors, quoi d'autre Amandine. Ah, Amandine. Oui. Mais non. Mais non, mais Amandine, c'est l'invité surprise. Eh oui, donc. Bonsoir Amandine, comment tu vas? Ça va. Non, je vais pas. Je t'ai vu me regarder, j'ai dit non. Non, j'ai vraiment regardé de là-bas. Non, je suis un peu vexée quand même. Bah, je suis désolée, mais c'est pas la première fois que. Bah, toi, c'est la première fois que ça t'arrive, quoi. Mais bon, alors, je vais laisser. Les films d'or. Non, en vrai, je vais laisser Noémie continuer parce que. Parce que j'en ai d'autres en tête comme ça. Ça viendra dans mais les. Mais ça vient dans les autres. Ok, bah, pas de soucis. Dans les autres paroles, donc voilà. Pas de soucis. Je laisse Noémie. Bah moi, le premier film d'horreur que j'ai vu, en fait, je l'ai pas vu parce que. Du coup c'est pas le premier. Caché derrière non, tes mains. Mais, non, mais en fait, ouais, j'étais avec une amie de primaire et elle m'a dit viens, on regarde un film d'horreur et tout. Alors moi, j'étais à vous. Ok, première fois de ma vie que j'allais m'apprêter à regarder un film d'horreur et tout. Et elle met Insidious. Et en fait, le film a commencé et genre au bout de 5 minutes, à un moment tu vois une porte avec des petits carreaux mais putain, tu vois pas vraiment à travers et tout. Les portes, moi, déjà. Ouais. Et là tu vois une silhouette qui passe derrière et moi je fais là, non, c'est bon, on arrête là. Et du coup, on a arrêté le film et on allait se coucher. Du coup, je n'ai jamais vu, mais peut-être qu'il faudrait que je le reprenne ce film. Mais il est vraiment bien, Insidious. Ah ouais, il est bien, je le connais pas. Il est vraiment très bien. Donc ouais, et non, sinon le premier que j'ai vraiment vu, c'était Esther. J'ai pas vu. Ah, tu n'as pas vu Esther. Esther, c'est la meuf qui a 40 ans, mais dans un corps de petite fille de 8 ans. Ah, et c'est les dissociés de moustache. Ouais, mais là, c'est plus glauque, quoi, parce que vraiment, elle est amoureuse du mec, du père de famille. Et... Enfin, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Ouais, ça passe. Cette histoire de. Ouais. Bon, ouais, oui. Voilà. Et. Ah ouais, je suis vraiment la seule à l'avoir vue ici. Ouais. Peut-être. Ouais, bah, du Esther. Coup, non, mais ça me dit quelque non, chose. Mais pour moi, c'était vraiment le film d'horreur. Enfin, genre, vraiment pas. Je pensais que c'était vraiment. Il n'y a pas vraiment deux films d'horreur, parce qu'il y a tellement de genres. Ouais, non, je sais, mais. Moi, c'était vraiment. Enfin, c'est un classique, je sais pas si on peut dire ça, mais. Ok, bon, il y a le film d'horreur, visiblement, qu'on va pas citer, puisque. Non. Voilà, mais. Bah, il s'appelle Le film d'horreur, justement, en fait. C'est un film d'auteur français. Bah ouais. C'est un film concept. C'est un film concept où on voit que des fantômes. Sans histoire. Il n'y a pas d'histoire, que des plans larges avec des fantômes. C'est une compile WatchMojo. Top 10 des fantômes. Non, sinon j'ai vu des vieilles genre enfin des du coup des réadaptations vraiment nulles de genre Freddy les griffes de la nuit ou Vendredi 13 mais bah, avec Freddy versus Jason avec les clichés genre c'est vraiment les Américains le groupe de potes hyper clichés et tout qui partent j'ai détesté dans lequel ça dans Vendredi 13 et tout ouais mais le Vendredi 13 c'est l'original c'est vraiment nul ah ouais attends c'est le même mais non Vendredi 13 il y a un bah après il y en a d'autres l'original est nul mais je sais pas il y a des suites mais non mais il y a des suites moi j'en ai vu un. Ah non, alors Vendredi 13, peut-être que j'ai vu. Vendredi 13, avec la fameuse. Ils sont vieux. Non, mais en tout cas, Freddy les griffes de la nuit, j'ai vu une réadaptation, mais elle était nulle, vraiment. Mais parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Freddy versus Jason, où c'est Freddy contre le tueur de Vendredi 13. De Vendredi 13 qui, ah ouais. Qui se battent. c'est nul à chier, ils se battent 5 minutes. Ils se battent 5 minutes. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ils ont fait un univers ça, partagé, c'est comme Alien vs Predator. C'est genre un Batman vs Superman. Non, de... c'est plus comme un Alien vs Predator. Ah, c'est un gros délire. Il a fait la bien Batman. Ah, okay, ouais, donc, ouais, ils... J'aime un peu ce film, donc j'ai essayé d'arrêter de cracher dessus à chaque émission. Non, parce qu'à chaque fois, quand c'est pas Yann, c'est quelqu'un d'autre, alors bon. Ok. Ouais. C'est tout bah, après, c'est plus des films d'horreur, c'est plus des parodies de films d'horreur. Genre Scary Movie, là, ouais, les Scary Movie. Moi j'ai flippé, la Cité de la Peur. Scary Movie. Ah, c'est ouais, ouf. Ah, malade, adoré. La Cité de la Peur, c'est génial, mais ouais, c'est pas un film d'horreur. Non, bah ouais. Non, pas vraiment. Bah, enfin, il y a un tueur. Y a un c'est tueur. Un slasher. Il y a un tueur et il est masqué. Ah, bah dans l'épisode des slashers, qui n'est jamais sorti du coup, mais on avait fait cette ref. Ouais, c'est vrai. C'est le slasher typique. Parce qu'on a fait un épisode qui n'est jamais sorti sur les slashers. Ouais. Voilà. Qui consistait à lister des manières de tuer des gens. Voilà, en fait, et du coup, on a décidé. C'était vraiment bien, mais c'est pas intéressant. De... Mais du coup, on a décidé de pas le sortir. Et c'est à moi, du coup. À toi. Ok. Ouais. Moi, je suis pas un fan de films d'horreur. J'aime bien. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas le choix. Alors, déjà, on est chez moi. Ah oui, c'est vrai. Déjà. Dans ton manoir hanté. C'est vrai. Et où je collectionne des cimetières indiens. Des... Non, mais en fait, c'est vrai que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à rentrer dedans. C'est... Ouais. Je cherche mes mots, c'est compliqué pour un podcast. Tes mots. Mais à rentrer dans la peur, peut-être. Ouais, en fait, j'ai pas peur sur le moment. Après, je suis une vraie flippette. Mais sur le moment, je me fais chier sur le film. En mode. On le sait qu'il va sortir de là, oui, le cadavre en fait. Ouais, il y a pas d'autre. C'est assez attendu quand même. Et c'est pour ça que j'aime, je préfère les films d'ambiance qui me surprennent tout le temps que les films, je sais pas, genre Annabelle, moi par exemple, ça me fait pas flipper. Ou Chucky. Bon, Chucky, ouais. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film de slasher, mais tu sais, c'est pas un truc que j'apprécie, ouais, dans le film. Mais je reconnais que c'est l'un des trucs le plus compliqué à faire avec la comédie dans le cinéma, c'est peur. Ouais. Faire correctement peur, ouais, si, c'est vrai, c'est hyper compliqué. Et c'est vrai, non, t'as raison. C'est pour ça que d'ailleurs, la majorité des films nuls sont des films d'horreur. C'est parce que bah, tout le monde dit oh, bah, c'est facile, tu mets des gamins, tu mets un tueur, et puis voilà. Mais ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, j'ai un film dont j'aimerais parler qui s'appelle Most Likely to Die. Je vais pas citer de grands films, de bons films, quoi. Je vais juste parler de ce film qui, en gros, c'est 5 ou 6 adolescents de la période du lycée. Qui se réunissent genre 5-6 ans plus tard, une fois qu'ils ont fini leurs études. Ouais. Et en fait, à l'époque du lycée aux États-Unis, il y a un truc où c'est un most likely to, donc le plus à même de devenir quelque chose. Et après, tu mets un mot. Enfin, chacun doit remplir un mot pour les autres. Mm-hmm. Et en gros, il y en a le most likely to, je sais pas, devenir mannequin ou devenir ingénieur, enfin tu sais, les trucs clichés. Ouais. Et il y en a un qui arrive dans cette réunion et qui met des posters de toutes les personnes invitées, et en dessous de most likely, il met die. Donc la personne la plus à même de mourir. Et tout le monde est marqué, et au fur et à mesure que les gens meurent, il y a des croix qui apparaissent sur le truc. Et c'est nul à chier. Ah, ok. Chute, ah, merci. Putain, incroyable. Non, ça m'a fait l'effet d'un screamer. Ça m'a donné trop envie de le voir. Et ouais, de ouf. Mais attendez, vraiment, ce que tu nous dis, je recommande. C'est pas super naturel du tout. C'est juste que les gens, ils sortent de la maison, ils se retrouvent dans une maison qu'ils ont louée, genre un Airbnb, tu vois. C'est un film qui est sur Netflix. Je sais pas si c'est une exclu Netflix ou quoi. J'ai découvert comme ça. Je suis déçu. Et ouais, non, moi, j'ai lu le résumé et je me dis. Viens, on le regarde en fait. Et à qui t'as dit ça? Bah, ma meuf, mais ah oui. Avec qui on l'a regardé, on a tous les deux vomi nos tripes devant ce film. Waouh, carrément. Ah ouais. Non, pas vraiment. C'est nul à chier. Ok. Mais enfin voilà, c'est vraiment pas bien. Ouais, je sais pas comment. En fait, ils auraient pu partir dans un délire de supernaturel, juste pas expliqué. C'est la majorité des trucs que je reproche aux films d'horreur, c'est qu'ils peuvent partir dans un truc supernaturel qu'on n'explique pas et on accepte. Et à chaque fois, ils essaient de faire le syndrome de Scully où les personnages ils croient de ouf à un truc qui est raisonnable, alors que c'est clairement surnaturel, et du coup, ça détruit toute la mythologie du film. Et là, en fait, c'est juste un tueur, c'est Scream en moins bien, vraiment. Le mec il vient, il dit: ah ouais, vous m'avez harcelé au lycée, je vais vous tuer. Ça marche. Et les femmes? Quoi? Elephant de Gus Van Sant. Oui, mais c'est une vraie histoire. Ouais, c'est une adaptation d'une vraie histoire. Bah, oui, mais Elephant, c'est pas vraiment un film d'horreur. Non, mais je déconne, c'était une, c'est une blague de mauvais goût. D'ailleurs, Elephant, c'est un animal déjà. Oui, donc aucun rapport. Et sur son t-shirt, c'est un taureau, déjà. Donc c'est pas un éléphant. Faut avoir vu le film. Je savais même pas. J'ai vu, mais ouais. Ouais, ok. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que je suis extrêmement déçu par ce film. Et c'est un peu le syndrome des films d'horreur que j'aime pas. Ouais, quand t'es. Voilà, ouais. Que c'est, en fait, tout le monde pense que c'est trop facile à faire. Et du coup, on a souvent de la mauvaise qualité en film d'horreur. Alors que, franchement, avoir peur c'est au film de cinéma. Bah ouais, c'est hyper compliqué. Pas forcément ouais. Avoir peur, genre une jumpscare, ouais, c'est trop dépend. Facile. Genre, t'es là comme ça, hop! T'as peur. Ah, mais là, oui. Là, t'as mal aux oreilles. Là, un peu aussi. Là, t'as mal aux oreilles. Mais tu vois, tu surprends, t'as peur. C'est ouais. Pas compliqué. Mais une vraie non, ambiance il faut de peur. Ça fait subtilement et tout. Ouais, mais c'est hyper oui. Compliqué. Bah c'est pour ouais. Ça que j'aime bien beaucoup Get Out. Ouais, il est vraiment. Qui, lui, qui en change un peu. Ouais, ah, t'as pas fait Get Out, t'as faut arrêter. Et depuis Get Out, je pense qu'il y a une vague de films. Bah, c'est le début, hein, c'était ouais. Il y a deux ans, mais ça revient un peu les films d'ambiance, surtout américains. Les films d'ambiance installés dans un endroit. Avec des références communes qui est là le racisme. J'ai pas vu Get Out, mais là, assez récemment il y a eu Hérédité qui était vraiment un très bon film d'horreur français. Non, américain. Non. Ah non, oui, ouais. Sinon, je confondais avec autre chose. Enfin, il y avait La Nonne. Enfin, l'ai pas vu. Qui... Moi je l'ai pas vu, mais il, y a tellement il de a fait d'horreur. Tellement entendu par. Enfin, pourquoi entendu pourquoi il parlait partout, je sais pas. Pourquoi explique. Pourquoi bah non, mais moi je l'ai pas vu, mais je sais pas, ça a fait. Mais si personne l'a vu. Parce que c'est un film de l'univers de. Bah ouais, de la religion, tout ça. Là. Enfin. Ouais. Ah ok. C'est trop facile de faire peur avec ouais. Ça. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont croyants. Hein. Je juge pas ça, mais. Là, commence par un peu du jugement. Non, non. C'est, alors la suite de ma phrase, non, c'est pas ça. C'est que c'est facile de faire peur à des gens qui croient à quelque chose. En leur disant elle est en nulle. Fait, en fait derrière ta croyance il y a un truc horrible et ouais. Ils se servent de la référence ouais. De la religion. Bah c'est l'exorciste c'est trop ouais. Bah oui mais c'est trop enfin oui d'accord mais l'exorciste... c'est pas trop facile mais l'exorciste ça fait flipper même quand t'es pas croyant oui voilà. Alors que La Nonne on te plonge ou les trucs genre les dossiers Warren ou quoi on te plonge directement dedans et si tu crois pas aux fantômes ou quoi tu dis bah clairement les gars non arrêtez Bah les dossiers ouais, bah... Warren quand même ouais, ça marche un peu hein. Non, bah, je sais pas marcher sur moi. Mais... Okay. Je suis extrêmement viril. Aigri. Non, mais c'est des mecs, genre, j'ai pas peur, moi. Fait que quoi. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'était mon petit avis. C'était ton expérience avec les films d'horreur. Ah, mais sinon, on n'a pas parlé de Shining. Bah ouais, mais, ah, mais oui. Ça allait être le mien, mais... Ah bah vas-y, par exemple. Je parlais de ça, mais ouais. Je t'interromps. Et bah du coup, ouais, je vais parler de films d'horreur. Moi, j'en regarde pas mal. J'en regarde vraiment beaucoup. Mm-hmm. Enfin beaucoup au moins pas, au moins pas mal et donc du coup ouais mon film enfin préféré de tous les temps c'est Shining du coup ah ouais du coup ouais mais attends du coup t'es pas un vrai cinéphile parce que du coup ton film préféré c'est pas Citizen Kane non mais je compte pas Citizen Kane parce que c'est évident c'est Citizen Kane et juste après et Shining. Après Shining voilà et du coup je dis okay. Premier parce que pour ouais, les non, gens parce que si je dis Citizen Kane les gens ils font oui non mais d'accord mais le deuxième d'accord mais ça c'est ouais logique en fait voilà parce que, oui parce que on n'est pas un vrai cinéphile si notre film préféré c'est pas Citizen Kane hein. Je le rappelle ouais. Pour si tous les auditeurs si c'était pas clair pour tout le monde voilà et là j'aime partir. Non mais c'est pas bien. T'as pas besoin d'être. Mais nous, on n'a pas besoin d'être cinéphile. Ouais, ouais. Après, on n'a pas besoin d'être cinéphile. On a un podcast ouais, cinéma et on parle peut pas parler de cinéma. En non mais parlons Shining. Ouais, non mais Shining, il est fou. Ah, il est vraiment trop bien. Le livre est nul. Voilà, je le dis. Bah, oui. Non, mais ça... Ah oui, plus, d'ailleurs, moi, j'ai voulu le lire avant de le voir et au final, j'ai pas eu le courage de le lire. Non mais faut pas. En plus, Stephen King renie le film. Le film. Ah ouais. Ouais. Il a écrit le scénario du dernier Cimetière. Enfin, Pet Sematary. Attends, il a écrit lui-même le scénario. Non, mais il a aidé. C'est un peu comme J.K. Rowling avec les films Harry Potter. Ah oui. Et le dernier Cimetière avec un S, là, ouais, ouais. Pet Sematary, il est nul. Ouais. Tout le monde. Bah, il avait pas l'air ouf. Tout le monde a dit que c'était nul à chier. Ouais, ok. Voilà. Bah, peut-être qu'il quoi, est meilleur pour écrire des bah livres. Bah ouais, reste ouais. Avec ta machine ouais. À écrire. Peut-être. Eh, gros nul. Eh, les images qui bougent, c'est non, pas fait pour tout le monde. Surtout qu'il est pas du tout, il est pas du tout intervenu sur Shining. Bah oui, non mais voilà, tu te plains et puis tu fais rien. Bon, là. Mais c'est la France. C'était lui qui avait écrit une histoire de tondeuse-tueuse, non De tondeuse-tueuse. Oui, et d'une voiture qui parle. Ouais. Bah, oui, non, oui. Qui est concerné. Christine. Ouais, Christine. Et puis ouais. Mais après, Christine, la tondeuse. Il tombait un peu mal quand même. Attends, je l'ai lu. Et... Enfin, on parle pas ouais. De livre. Après, t'avais Carrie aussi qui était pas mal. Avec ouais. La meuf qui séquestre un écrivain. Ah oui, je l'ai lu. Il est ouais. Bien lui. Non, Misery. Ouais, ah oui, putain, Misery. Carrie, c'est quoi Carrie, c'est autre chose. C'est pas aussi une voiture. Je sais plus. Je sais pas, pourquoi j'ai dit Carrie. Misery. Mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Carrie. Moi j'ai compris Quinry. Hey, le Quinry là. Les Carrie, c'est pas mal. Hein. Hey, les Carrie, ils sont doués. Ou les Carrie, genre les Carrie dentaires. Juste. Hey, ouais, le mec a un problème. Ouais, quoi, ouais. Du coup, Shining. Shining, excellent. Enfin, c'est incroyable. Enfin, mais c'est au-delà d'un film d'horreur. Quoi. Je peux te confesser un truc? Ouais. Je me suis fait chier devant. Mais ouais, mais évidemment. Mais oui, mais c'est pas. c'est pas un compliment, mais après, bah, non, mais j'étais pas dans des bonnes conditions, je l'ai vu en norvégien. Non, mais je veux dire, c'est comme 2001, tu vois. 2001, si tu te fais pas chier, t'es pas humain en fait. Non, c'est pas vrai. Bah, 2001, tu te fais chier à la dernière demi-heure. Le reste du film, t'es en mode, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Non, parce que la dernière demi-heure. Bah, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à spoiler? La fin, elle est pas. Je sais pas, mais juste, j'ai envie de le voir. La fin, elle est pas comment? Bah, c'est pas non plus. Non, c'est vrai. Ouais, mais on c'est parle pas là. C'est pas non plus. Elle l'est pas non plus. Bah, okay. Voilà. Je voulais savoir. Non, mais ouais, si vous l'avez pas vu 2001, on va peut-être pas vous spoiler. Non, bah non. Mais enfin, bref, Shining, bah ok. Tu t'es fait chier, pourquoi tu t'es fait chier? Je l'ai vu en norvégien. Pour de vrai. Non, je sais plus, c'était en Suède. On était. Mais bon, bah aussi. Ouais, pourquoi? Mais oui, normal. Oui, mais il y avait sous-titré en anglais, donc ça va. Mais non, mais non. Le mec il cherche la merde. Et en plus, j'ai raté le début et. Mais attends. Et il y avait de la lumière. En mais remate-le. Ah oui, de ouf. Mais vu que je connais l'histoire. Dans le noir, en anglais, tout ça. Mais non, mais en fait, j'explique. On était en voyage en Scandinavie. On a fait les trois pays, la Norvège, Danemark et, ouais, et Suède. Et on s'arrête à une auberge de jeunesse et ils projettent le film. Et évidemment, c'est en Suède. En suédois, bah oui. Puisque on est en Suède et que les gens parlent suédois en Suède. Et du coup, t'as décidé de le regarder. Bah, c'est là ta première erreur. J'avais 15 ans, frère. Oh, ça va. Et je dis bon, allez, je l'ai pas vu, tout le monde en parle. Voilà, c'est la nouveauté du moment. On va le regarder. Okay. Et bon, heureusement, mon niveau d'anglais était déjà suffisant pour comprendre à peu près et, wow, les sous-titres. Et en fait, j'ai rien capté. Et... Bah, ok. Ouais, et les images n'étaient pas non plus genre en mode ah ouais, je comprends totalement. Mais en fait, faut. Bah, attends, ouais, que c'est un film d'immersion. Ouais, mais c'est un film d'ambiance. Mais déjà, Shining en version doublée. Enfin, je sais pas en version. En VF. Ouais, en VF. En VF canadienne. Ouais, bah c'est déjà ça t'enlève vachement de trucs, quoi. Enfin, c'est parce que comme c'est vachement un truc d'ambiance et il y a un gros travail sur le son et tout. Enfin. C'est quand même quelque chose. Bref, ouais, du coup, Shining, mon film préféré. Et y a pas longtemps, là, du coup, pour le podcast, j'ai rattrapé un peu des films que j'avais pas encore vus. L'Exorciste, du coup, dont on a déjà parlé, du coup, on va pas en parler. Et Massacre à la tronçonneuse. Mmh. Ah oui. Qui, en vrai, il est pas mal. Oui, apparemment, en vrai, il est bien. Je sais pas. En vrai, il est bien. Non, mais c'est genre un. Tu le vois découper les gens et tout? Non. Bah ouais. Enfin, si. Aucun intérêt. C'est un peu gore du quand même. Du coup, c'est Massacre à la tronçonneuse suggéré, mais pas trop. On le voit pas découper des gens, mais on voit des trucs gore. Attends, est-ce qu'on voit des trucs gore? Parce qu'en fait, j'ai vu aussi The House That Jack Built hier. Ah, le nul là, le film nul. Ouais, et là-dedans, on voit vraiment des trucs gore. Bah, c'est Lars von Trier, c'est le gars qui a fait Antichrist. Ah, ok. Et le gars qui devrait être en prison. Vu sa tête. Non, mais clairement, il va pas bien du tout. Mais bref, c'est pas la question. C'est pas une caméra dont il a besoin, c'est un psy. Non, mais je crois quand même, on voit des trucs un peu gore dans Massacre à la tronçonneuse, mais ça va, c'était les années 70. Non, mais c'est surtout que, genre, c'est complètement fou comme truc. Enfin, le gars qui a fait ce film est complètement fou d'avoir l'idée de créer des personnages comme ça. Ouais. Et même, genre, enfin, je sais pas si vous savez, vous l'avez vu ou pas? Non. Non, mais je vois le principe. Enfin, le titre est assez évocateur. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas centré sur ça. Non, c'est pas centré. Puisque déjà, il tue, je crois que 2 personnes avec une tronçonneuse sur 5. Pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Parce qu'il a une tronçonneuse. Parce que s'ils avaient mis Massacre à la tronçonneuse, au couteau, au pistolet, c'était un peu long. Ouais, c'était avec un peu long. Avec toutes les virgules et tout. Ça vend pas. Ça et vend. Non, et tu t'irais voir un film qui s'appelle comme ça? Voilà. Bah, peut-être. Déjà, quand t'as le titre du film, t'as pas la fin. Tu sais, ils mettent les 3 petits points au bout d'un moment quand c'est trop long. Massacre à la. Non, mais du coup, oui. Et du coup, mais non, mais par exemple, comme truc un peu fucked up, il y a le tueur. Oh, je suis dénain. Enfin, le tueur. Le spoil. Oh, le gros spoil. Attention. Non, mais en vrai, c'est. Oh, non, mais c'est pas un spoil. Hein, Ouais, ok, j'ai merdé. Non, mais tu biperas, c'est pas grave. Ouais, je biperai. Et du coup, il porte un masque en peau humaine, tu vois. Mm. Ah, mais c'est en mode. Comment il s'appelle ? C'est un visage, en fait. Mais attends, j'ai vu un truc comme ça. Oui. Bah, c'est Massacre à la tronçonneuse. Non, il y a un autre film avec un gars qui met une peau. Ouais, le 2. Attends, il y a le silence des agneaux aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est le. Mais c'est ça, c'est lui, t'es sûr? Mais oui. Mais attends, comment il s'appelle? Il porte pas de masque. Hannibal Lecter, non. Non, c'est pas lui, il a un masque. Genre un masque spécial, mais c'est pas en peau. Mais si, j'ai vu un truc où la personne se fait une combinaison en peau. Ah, une combi quand même. Mais genre un. Oui, enfin une combinaison. Il tame la peau, il en fait du beau cuir. Ah non, mais vraiment, c'était horrible, je sais plus ce que c'est. Bah, c'est pas The Revenant. Oui, il fait ça dans The Revenant. Non, c'est un ours, vraiment. Un cheval. Ouais, un cheval. Mais il le fait quand même. Oui, bah, c'est. Du coup, voilà. Mais et genre, dans sa maison, tous ses meubles sont faits en os humains. En os. C'est dans The House. Non. Bah, non, lui, il fait une maison en corps humain. Ouais, bah, c'est pas. Voilà. Mais, C'est ça, on parle duquel là? Alors, les os, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais, tout, enfin, il y a ses meubles et ses lustres et tout chez lui, c'est décoré avec des os humains. Et ça, c'est dans Massacre à la tronçonneuse? C'est ça. Okay. Ah, c'est une sorte de ogre, c'est comme s'il coupait un arbre en fait. Genre, ouais, pour voilà. Faire son meuble, c'est bien juste fait, il découpe les gens. Ouais. Bah, il a fait appel au meilleur ébéniste. Mais en fait, le truc. C'est filmé. Enfin, le gars, il travaille le bois comme personne. Ça a été fait avec très peu de moyens. Du coup, c'est filmé vraiment. C'est moche, quoi. Disons-le comme c'est. L'image est moche. Mais du coup, ça rajoute du réalisme. Parce que ça fait un peu. En mode Paranormal Activity. Ouais, voilà, c'est ça. Non, quand même pas. Mais Paranormal Activity, je kiffe. Pardon. Bref. J'en ai vu qu'un et il était pas ouf. C'était le 5, je crois. Voilà, bah attends. Tu commences. Attends. Ouais, non, mais ok, c'est parce qu'il était sorti au cinéma. Ce matin, t'avais emmené là-bas. Vous commencez toutes vos sagas par la fin, vous. C'est quand même. Ah oui. Et donc voilà. Et après, je voulais parler de quel autre film ? Je sais plus. Insidious, très très bon film d'horreur. Très bien fait. Peut-être. Mais James Wan en général, il fait des plutôt bons films. Ah, il a fait Aquaman, oui, c'est vrai. À part ce film. Il est bien. J'ai pas vu. Il est bien, Aquaman. Bah ok, bah même ce film alors. Même Aquaman. Et ouais, tout ce qui est Insidious, Conjuring, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, apparemment, mais je j'accroche pas, donc j'ai pas. Ouais, mais après, pour le coup, là, c'est plus surnaturel et tout, des histoires de fantômes. Oui. Mais c'est le truc de la nonne, quoi. Ouais. Non. Si. Pas un petit peu. Aucun rapport, ok. Et du coup, moi, j'aime bien. J'aime bien les trucs surnaturels. Moi, ça me fait flipper, les trucs, les histoires surnaturelles. Non, bah, plus que les. Que les. Plus que les. Ah, que ouais, slashers. Non, mais les slashers ça fait pas ça peur. Ça fait pas peur. Plus rire, bah, ça peut faire peur, mais c'est pas le but. Bah, Freddy. Le but, c'est de dire qu'il faut pas baiser, ok? C'est le principe des slashers. Oui, c'est vrai que c'est le principe. Dès qu'il y a des gens qui baisent, ils meurent, donc. Moi, je l'interprète comme ça. Hein. Du coup, je disais, enfin, Théophile avant, mais avant le podcast, moi, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le dernier Halloween. Ah oui. C'est pour ça que je disais que tout le monde commence les séries par la fin. C'est qu'elle commence par Paranormal Activity 5 et l'autre elle commence par Halloween. Elle commence par Avengers. Endgame. Mais j'ai rien compris. C'était incroyablement chiant. Hein, je suis désolée, mais le mec était prévisible. Voilà. Après, il va pas vite. Hein, après. Aussi. Du coup, il est lent. Ouais. Tu m'as regardé en mode. J'ai même pas vu le Halloween 1. Ah ouais? Mais non, ah bah il est trop bien. Vraiment, lui, c'est une masterpiece d'ambiance. Vraiment. Mais je sais. Masterpiece. Chef-d'œuvre. Et puis t'as des films, enfin, genre. T'as des films comme Grave ou. Ah oui, c'est vrai, Grave, j'ai vu pour nous qui est excellent. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non. Mais putain, mais. Ah non, il est ouf, incroyable. Faut que je le chope en. Et du coup, parce que moi, pour moi, dans les films d'horreur, t'as un peu genre. T'as les slashers. Oui. Mais en fait, t'as plein de trucs. T'as aussi le body horror avec genre. Le gore en fait, ouais. Ouais, non, le body horror c'est différent. C'est plus genre Carpenter, la mouche. Ouais, ça c'est la mouche. The Thing et tout. Bah ouais, The Thing c'est pas vraiment du body horror. C'est... Si. Bah pardon, déjà. Bah les seuls moments un peu d'horreur qu'il y a, c'est quand même avec le chien. Bah, c'est qui, plus un film d'ambiance. Je le comparais plus à Get Out qu'à. Je sais pas, j'ai pas vu Get Out. Mais oui, mais c'est bien ça le problème, c'est que tu vas pas parler du podcast. et du coup, voilà. Mais non, mais ouais, La Mouche, c'est incroyable aussi. Oui. Et puis t'as les films gore. Et j'ai maté pour Halloween dernier, j'avais maté. Non, pas Saw, pire. The Human Centipede. Ah, mais c'est putain. Pas. Ah, mais oui. C'est une comédie le film, c'est pas. Mais en vrai, En vrai, l'idée, elle est bien. Quoi ? Ah bah, waouh, ok. Mais non, mais genre, je veux dire, pour l'idée un truc... du scientifique ? Oui. Non, non, je veux dire... Ah bah... Le gars est incroyable. Alors, si vous avez pas la ref, Man Stipet, c'est un mec qui veut attacher des bouches à des culs et voir comment ça ressort à la fin. Voilà. Après, j'ai pas vu les autres. Mais genre, bon, le film est vraiment mal fait, il est nul. Mais, bah oui, mais il y en a trois en plus. Moi, ouais, j'ai pas vu les autres. Faut pas déconner, faut pas pousser non plus. Économise-toi ce. Mais ce en vrai, le film est pas gore. Enfin, genre, il est gore dans l'idée, tu vois. Mais... Oui, mais quand tu t'imagines. Ce oui, qui voilà, se c'est passe. Ça. En fait, ouais, le truc, c'est que déjà de connaître le concept, tu sais. Je suis désolé, déjà, choqué, hein. Mais j'ai pas envie d'imaginer quelqu'un qui chie dans la bouche d'un autre, forcément. normal. Bah, oui, non, mais d'accord. C'est personnel. Hein. Oui. Non, mais c'est ça le. C'est je vous laisse libre de vos actes, mais c'est important. Bref. C'est vrai. Et en vrai, non, mais je me suis dit quand même, pour un film d'horreur, pour les gens qui kiffent ça, parce que t'as des trucs. Les misophones. Bah non, pas les misophones. Les mais, non, mais pas ça, mais genre le gore bien, oui, bien oui, hardcore, ouais, tu bah vois. Les... Genre, les, gens qui, les gens qui kiffent oui. Serbian film, ça je pense que je regarderai jamais de ma vie. Vous connaissez pas ? Non. Quoi ? Le Serbian film. Non, oui, si, non, c'est dégueulasse. Ne regardez pas. Vous avez des... Ok. Bref. C'est ma serbe en général, visiblement. Bah, c'est vraiment les trucs, genre, quand t'as 15 ans et tu fais, regarde ce film, il est trop ça. Bien. Et genre, et après, tu pourras piéger tes potes. Ouais. Et que c'est horrible, en fait, comme film. Il faut avoir des potes et qu'ils le montrent, mais bon. Quoi ? Pardon. Ouais, ouais. J'ai jamais pu le faire aussi. Bref. Et non, mais c'est, voilà, c'est un film vraiment le plus gore. Et en fait, ils ont essayé d'être le plus gore possible. Et c'est censé être un snuff movie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Un film à regarder défoncé ? Non, un snuff movie, c'est en gros, un snuff movie, c'est... alors, les vrais snuff movies, c'est sur le Darknet. C'est des gens... En fait, c'est Zorso, tu vois. C'est des gens qui filment d'autres gens en les obligeant à faire des trucs dégueux. Ah oui, ouais. Mais dans la vraie vie. Oui. Et donc, A Serbian Film, c'est un faux snuff movie, du coup, où les gens, où ils font des trucs horribles. D'accord. Voilà, et c'est... voilà. Je l'ai pas vu, mais je vous conseille pas de le voir. Non, j'ai vu des extraits, ça donne pas envie. Hein. Oui, j'ai vu un extrait. Un gars qui m'a montré ça, j'avais envie de lui dire, pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu... Ok. C'est une fenêtre, il y a des fois des oiseaux. Ouais, des fois il y a des oiseaux et tout. Bref. La dernière fois, il y avait Michel, le voisin qui est descendu en rappel. Quoi d'autre ? Mais putain, j'ai vu tellement de films d'horreur. Je pense que ceux-là, on peut en parler peut-être dans la partie cliché. Peut-être ouais. Faire le jeu. Parce que j'adore les jeux. On fait le jeu, on parle des clichés. Ok. Et après, je dis juste It Follows. Ouais, elle est bien. Pas voilà, mal. Y a pas, It Follows. Pas d'autres critiques. Voilà, c'est une à toi. Très mauvaise allégorie du sida. C'est le jeu. Attends, je crois qu'on a un jingle pour le jeu. On a un jingle pour le jeu ? On peut faire des films avec n'importe quoi, hein ? Ah non, on en a pas en fait. C'était le jingle jeu. Alors, le principe du jeu, c'est très simple. Si vous devinez ce qu'il y a derrière la porte, vous gagnez une voiture. C'est pas du tout ça. Merci Vincent Lagaffe. Le juste prix. Non, c'est le juste commentaire du coup. Ouais. Hein, c'est pas le nom officiel, hein, mais on va breveter. Dis-moi ça. Plus. Très vite. Enlève le son de ton ordi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a vraiment pas du tout de batterie, donc il va sans doute s'éteindre pendant le jeu. Ah, dommage. Bon, on le fait pas du tout. Je vais vous lire un commentaire et vous allez devoir deviner le film duquel il est tiré. S'il te plaît. Des commentaires hallucinés, je ne dirai pas les pseudonymes sauf ceux qui sont méchants. Oh. Je commence par quel film ? Je vais commencer par celui-là. Tout simplement, le temps que ça charge. Voilà. alors, c'est un commentaire 0,5 étoiles. C'est le minimum sur Allociné. Bon, un film d'horreur, ça doit faire peur, non ? Alors pourquoi celui-là, il ne fait pas peur ? Hein ? Parce que c'est une grosse boost mortelle d'ennui. Shining. Tout est prévisible. Téléphoné, sans surprise, on attend à chaque fois et impatiemment le prochain meurtre pour qu'il se passe enfin quelque chose. Navrant. Scream. Bah, c'est un slasher, en fait. Attends, je regarde. Ah, tu sais plus. Si, c'est ça, oui. Oui, c'est Scream, oui, c'est ça. Ah, yes. Et juste. Bah, ah, putain, ouais, bah, c'est Scream, du coup, on n'a pas parlé, mais. Très bon film. Oui. Mais du coup, pas vraiment film d'horreur, parce qu'il fait. Enfin, c'est plus genre. Un peu un ton un peu humoristique, quoi, mais. Mais très très cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quoi? Mais t'es chiant à avoir deviné dès le début parce que je pensais que c'était assez flou pour. Bah, c'est. Bah, ouais. Je t'emmerde. Écoute. C'est slasher. Tu ruines ma vie entière en fait. Bah, désolé. Hein. Donc, je vais quand même pour le plaisir vous lire un deuxième commentaire sur Scream du coup. 0,5 étoiles également. J'avais adoré ce film la première fois que je l'avais vu. Donc déjà la conjonction, l'accord des temps, c'est pas ça. Mais là, que dire? C'est franchement pas génial. Le tout ressemble trop à un vieux film d'horreur formaté pour les teenagers. Terriblement déçu. Mais ils connaissent rien au cinéma. Mais en fait, il a vraiment dit. Mais ce film est un film. Parce que c'est le principe du film en fait. Ouais. Oui, ensuite, oui, c'est vrai, juste un petit commentaire très rapide. L'antithèse du bon film d'horreur, ça, Monsieur Craven, ça s'appelle cracher dans la soupe. C'est Wes Craven qui a fait le film, et du coup. Oui, non, mais d'accord. Mais l'anti quoi ? L'antithèse du film d'horreur. Pourquoi ? Ça, mais Monsieur Craven, ça s'appelle. Et pourquoi l'antithèse du film d'horreur ? Ah, je sais rien, il a juste. J'allais dire l'antithèse du Monsieur Craven, mais. Pourquoi l'antithèse de Monsieur Craven ? Je comprends pas. Non, il n'y a pas de. Non, ça ferait un bon nom de film, l'antithèse de Monsieur Craven. Ah ouais ! Ce serait le titre de. Bah, c'est le titre de notre film. Du podcast. Non, non, pas du tout. Non, ok, j'ai pas voulu un dernier sur Scream parce qu'on a une autre dose. On va passer au prochain film. Oui. Si ça vous dérange pas. Non, moi ça me dérange un peu, okay. Mais c'est pas grave. Un commentaire 5 étoiles. Donc cette personne est très à fond dans ce film. Ouais. D'ailleurs, c'est une chaîne apparemment qui fait des critiques puisqu'ils le disent ah à oui. la fin. Ils disent abonnez-vous. Ceux qui ont deux ou trois notions de cinéma constatent impuissant le travail d'un technicien hors pair, doublé d'un visionnaire unique dont le très singulier mode opératoire a construit toute la réputation. Avec ce film, le réalisateur cultive un nouveau genre de peur, de celle qui s'infiltre insidieusement dans les esprits pour y semer un sentiment d'angoisse persistant qui ne cesse de s'amplifier tout au long du film. Lire notre critique complète sur le système... Rare vision. Ah putain... Je sais pas, aucune idée. Est-ce que vous avez une petite idée? Peut-être une petite idée. Il est récent ou... Il est... Du coup, 5 pas étoiles, récent. On part sur un navet. 5 étoiles, pas forcément. Ça peut être un très bon film. Ah ouais, mais c'est Shining. Nique ta race, toi. Pardon, de respect à toutes les races, hein, mais au bout d'un moment, quoi, ça va. Bah que la mienne, hein, jusque-là. J'ai quand même voulu un deuxième commentaire. Ouais, mais... En même temps, t'as beaucoup attendu et je voulais te le laisser celui-là, mais t'as tellement attendu, je me suis dit, bah, faut que je le dise. Ouais, bah c'est. Ouais. Alors, un commentaire 5 étoiles également de l'homme grenouille. Bah, son pseudo m'a fait rire. Il y a 958 abonnés sur Allociné, voilà, c'est énorme. Il y a zéro commentaire négatif sur Shining. Si, il y en a un après. Ah. Faire peur avec des couloirs d'un blanc immaculé au lieu d'avoir recours à un manoir lugubre, avec des petites filles bien peignées plutôt qu'avec des morts vivants, avec un silence pesant plutôt qu'avec des cris et des bruits glauques. C'est tout le talent de Kubrick qui, dès qu'il touche un genre, le révolutionne totalement. Attention, il a déjà exulé 3 fois depuis le début de l'écriture du commentaire, hein, tellement il se branle. Oui, oui. Ce n'est que trop vrai pour le cinéma d'épouvante qui trouve dans ce Shining, je fais des air quotes, hein, parce qu'il a vraiment mis des guillemets, un maître en la matière. Il faudra attendre plus de 10 ans et l'émergence d'un nouveau cinéma japonais pour connaître une révolution aussi grande dans ce genre, un incontournable qui n'a pas perdu de son incroyable efficacité. Bravo. Ça bravo, monsieur moi, Grenouille. Je pense que ça monsieur Grenouille, c'est ça? Ouais, l'homme Grenouille. L'homme Grenouille. Et un commentaire 0,5 étoiles? Allez, bah oui. Voilà. Qu'on excellent film d'épouvante. Je n'ai jamais eu autant peur que quand j'ai vu Ushuaïa Nature sur la forêt amazonienne. Je vous révèle l'histoire du film. C'est l'histoire d'un gamin autiste de 8 ans qui passe les 2 heures du film à faire le tour d'un hôtel sur son tricycle. Ah, j'oubliais un détail. Il y a aussi une scène d'environ 5 secondes où on peut voir une femme déguisée en lapin, avant que ce ne soit un sanglier, qui fait une gâterie à un homme en costard. Mais c'est scène culte. Mais c'est pas une femme en plus. Je vous encourage donc fortement à voir ce chef-d'œuvre et bonne rigolade. Donc pour lui, Shining, c'est la stèle de la peur. Mais what? Ah ouais. Alors, mais non, mais surtout qu'il a rien compris au film. Je me souviens. Alors, peut-être qu'il l'a vu en suédois. Je l'ai maté. Alors, je vous donne le pseudo du mec qui s'appelle Antonin de. Bon, je connais pas ce gars-là, mais apparemment il est super. Prochain film. C'est une question rhétorique. Oui, bah, vas-y. Le film est tellement mauvais que j'ai créé un compte Allociné pour m'indigner. Comment cette connerie a pu recevoir des notes aussi hautes de la part des grands magazines critiques, pourtant respectés comme les cahiers du cinéma? le monde tourne plus rond. Ce film est juste correct jusqu'aux trois quarts, mais cette fin qui tourne au fantastique gore totalement invraisemblable, l'art se perd. Ne mettez plus d'argent dans des productions telles que celle-ci. C'est l'Exorciste ? Non, c'est pas l'Exorciste. Tu n'auras pas le droit de dire un deuxième. Tu vas trouver au deuxième essai, donc tu vas attendre le deuxième commentaire qui est long, mon gars, okay. Qui est long. Ah non, non, ça c'est quand vous l'aurez trouvé. Ok. Donc, le deuxième commentaire. Je t'en supplie. Une demi-étoile, car la première partie du film est délicieusement inquiétante. La garden party réunissait des personnages hauts en couleur, faussement aimables et subtilement malveillants. Semble prometteuse. Mais c'est Get Out. Ah mais oui, c'est ça. Ben non. Oui. Non mais je l'ai pas vu. Et l'on s'attend à une déflagration, à ce qu'un drame psychologique éclate, et patatras tombe par terre, voilà, bref. Tellement grotesque que la salle riait, alors que le film est censé être un thriller. Bah, mais ah oui, mais ça, tous les films d'horreur, les gens rient. Oui, parce que quand t'as peur, tu rires. C'est nerveux. Oui, c'est nerveux. Non, mais pas forcément des rires nerveux, mais dans des films où quand t'as peur pour un personnage, tu rigoles plus facilement avec. Et quand tu rigoles avec un personnage, t'as plus facilement peur pour lui. Non, mais dans Get Out, c'est la fin. C'est ce sur quoi se repose la comédie. Mais je comprends le premier commentaire comme quoi à la fin, ça vire au fantastique gore. Oui, mais c'est. Mais moi, je trouve que c'est une explosion que j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Enfin, à la fin, le mec lui dit quand même. Enfin, c'était la dernière réplique, je crois. T'aurais pas dû y aller. Enfin, c'était vraiment. Ouais. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Genre. Ouais, je te l'avais dit, mec. Ah, bah, merci. Ah, ouais, je me rappelle. Bah, d'ailleurs, le film commence avec quelle réplique, Théophile ? Il dit. Le film, il commence, il fait. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment je me suis retrouvé dans la balance, je suis malin, on a un doc, non ? Quoi ? Bah, c'est le principe du film. Ah bon, mais je savais même pas. Putain, mais tu l'as spoilé un peu quand mais même. Non, non, c'est le principe du film. Moi, je savais pas avant de le voir, hein, avant d'arriver vers la fin, okay. Milieu, fin. Je t'ai pas spoilé vraiment. Non, mais c'était pas ça, enfin, il s'est trompé de film. Ouais. Non, y a pas de tueur. Ok, un dernier commentaire pour Get Out. Ouais. Lui, il est très long. Et il est très haineux, 0,5 étoiles. Il n'est pas surprenant que ce film, au scénario et à la réalisation absolument ridicule, soit sorti au festival de Sundance, qui accueille tous les films politiquement corrects, sans qu'on se soucie beaucoup de leur qualité réelle. Cette histoire commence comme une satire du racisme anti-noir, avec l'accueil trop cordial du petit ami de Rose, une blanche, qui, lui, est noire, et que la belle famille couvre de prévenance. Mais cette belle façade est trop optimiste, et on ne tarde pas à douter à cause de son excès. Si on s'en était tenu à la satire, le film eût été passable. Mais l'ennui est qu'ensuite, il dérive vers le pseudo-fantastique et le film d'horreur. Et cela devient aussi ennuyeux que bête. Le succès de cette pellicule est inexplicable, alors déjà on dit film, et les lauriers qui ont attrisé la critique montrent que les auteurs de ces éloges n'ont vu que ce qu'ils avaient envie de voir, comme presque toujours. Bref, le film a, si j'ose dire, le derrière entre deux chaises, et s'assied donc dans le vide. Alors, il a quand même osé dire le derrière entre deux chaises, moi je suis désolé pour notre audience un peu jeune. Oui, et après, derrière ça va encore. Il y a pire, les fesses. Moi ça me. Bah ouais, ça moi, me c'est surtout, moi ça c'est me surtout chaise. C'est surtout chaise. Ouais, c'est vrai que c'est un. Ouais, c'est deux. Chaise. Et deux en plus. Et deux. Pas putain. Une seule. Non mais en plus il a mis les deux ensemble quoi. Deux et chaise, fou. Malade. Allez, la suite. Prochain film, c'est une critique 5 étoiles. Ah. Ce film est pour moi un chef-d'œuvre de l'horreur récent. C'est de plus en plus rare. Le spectateur est angoissé, stressé. Il est possible que certaines personnes aient peur. Le simple fait de voir. Créer un malaise, parce que c'est un spoil. De très beaux décors pour être inquiétant, notamment quelque chose. L'histoire comporte quelques révélations, créant des rebondissements et de l'inattendu. Le principe du. Chut. Non, c'est pas ça. Non, ça il a dit le principe d'un scénario en fait, c'est des rebondissements et des péripéties quoi. Ouais, j'entends bien. Un très bon scénario, légèrement classique, mais beaucoup plus utile que d'habitude. De très bonnes interprétations, hâte de voir la suite. Ça. C'est pas ça. Mais... Bah, si, un 2, il sort là. Non, c'est pas ça. C'est moi qui les ai fait les commentaires. Oh. Attends. Bah, ça coûte. J'ai préparé. Ouais. Non, en fait, il y a beaucoup de trucs que j'ai zappé parce que c'est du spoil. Genre, il parle d'un truc dans le film. Bon, c'est le principe du film. Donc. Ouais. Alors, je passe au deuxième commentaire. Il y a un principe, ça veut dire. Non, c'est pas un principe. C'est un. voilà. Il y a un concept. Une idée. Un commentaire 5 étoiles. J'ai bien aimé le film. Certains diront qu'il fait pleurer, certains qu'il fait extrêmement peur. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait assez peur, surtout au moment où il y a ta-ta-ta, et que la porte se ferme, et qu'elle court, et qu'après elle pousse la porte, et c'est à ce moment-là, une grande dame couverte de sang. Quoi ? Là, j'ai choisi parce que ça peut être n'importe quel vidéo. Oui. C'est pas Conjuring. Ça n'a aucun sens. C'est pas Conjuring, non. Est-ce que tu voulais que je le relise parce qu'il était assez confus? Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé le film. Certains diront qu'il fait pleurer, certains qu'il fait extrêmement peur. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait assez peur, surtout au moment où il y a la petite fille, et que la porte se ferme, et qu'elle court, et qu'après elle pousse la porte, et que c'est à ce moment-là il y a une grande dame couverte de sang. C'est pas genre un truc à la Sinister ou... C'est pas Sinister. C'est pas à la Sinister non plus. Ouais, Non, à la, c'est pas un film à la... Oui, ok. Non, genre là. On passe mais c'est récent comme film. C'est pas vieux. C'est pas... Ah ouais, d'accord. Ça veut rien dire. Ouais, ça non, c'est rien, c'est plus de 10 ans. Ça a moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Plus de 10 ans. Ouais, mais quand même, j'ai même pas 20 ans. Ça a pas, plus de 10 ans, forcément. C'est, je te donne un indice, c'est dans les 20 dernières années. C'est dans, okay. après 2000. Après 2000. Mmh. Peut-être je l'ai pas vu. Hein. Mmh. Vas-y. Mmh, peut-être. Bah, après, tout le monde l'a vu, apparemment. Ah, ok. Alors, 5 étoiles. Alors, moi, je mets. M.I.S. Freddy. Un point d'honneur à ce film. Pourquoi tu... Il n'y a rien qui donne d'indice là. Non, j'ai repensé. Alors moi, mais c'est Freddy, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. Alors moi, je mets un point d'honneur à ce film qui retrace parfaitement et avec justesse l'histoire, Ce qui ne me surprend pas du tout, c'est de voir des gens critiquer aussi mal un tel chef-d'œuvre, tout ça parce qu'ils voulaient un énième film qui ressemble. Eh oh, les enfants, c'est une antithétique démoniaque. Une antithétique. Oui, alors, il dit un truc. Là, je pensais que vous l'auriez trouvé d'ici là, donc il y a beaucoup de spoil. Non. Mais j'en ai pas d'autres. Putain, j'ai pas, mais c'est l'exorciste. Non, bah, je voulais que je vous le dise. Bah, moins de 20 ans. Ah, non, relis cela. Ok. Ouais. Alors, bah oui, mais il y a plein de trucs qui sautent parce qu'il est... y a pas mal de spoil. Ouais, j'en fous. Alors, moi, je mets un point d'honneur à ce film. Alors, déjà, il met un point d'honneur à ce film. Hein. C'est pas il met un point d'honneur à quelque chose. C'est le film entier qui... Attends, là je suis pas du tout en train de rigoler, ok. Je joue très sérieusement. Donc il met un point d'honneur à ce film qui retrace parfaitement et avec justesse l'histoire Tatata, qui est inspirée de faits réels. Mais c'est qui Tatata de tout à l'heure? Bah c'est le démon Tatata. Putain. Mais c'est Insidious. Un démon. Non, mais non, mais non, c'est un film avec un démon. C'est pas un démon, c'est pas le nom. Le projet Blair Witch. Non, mais quand je dis Tatata, c'est pour pas dire le spoil en fait. C'est pas un indice. C'est l'histoire. Oui, non, mais j'ai compris. C'est une blague que je faisais. J'avais compris. Et avec justesse, l'histoire. Bon, un indice tiré de faits réels, apparemment. Ce qui ne me surprend pas du tout, c'est de voir des gens critiquer aussi mal un tel chef-d'œuvre. Tout ça parce qu'ils voulaient un énième film qui y ressemble et culte. Eh oh, les enfants, c'est une antithétique démoniaque. Du coup, là, c'est pas une entité démoniaque. C'est une antithétique démoniaque. Mais pourquoi il dit c'est pas une antithétique démoniaque? Si, il dit que c'est... Eh oh, c'est une antithétique démoniaque! Et après il finit sa phrase. Okay. Bon, il y a un truc juste avant, mais c'est un spoil donc. Tu veux le dire? Ouais. Bah, c'est le titre du film en fait. Ok, Un indice! Un indice chez vous, à la maison. Il s'affiche en bas de votre écran. Allez! Attends, je sais pas comment le formuler, parce que si je donne un indice, vous allez trouver, c'est sûr. Est-ce qu'on en a parlé avant? On a parler d'un film qui ressemblait. Ouais. C'est un slasher. C'est pas un slasher, mais on a parlé d'un film qui ressemblait, qui était un slasher. C'est un film d'ambiance. Ah. Il y a pas de... C'est genre It Follows. Non, c'est genre Get Out. Genre c'est autour d'un objet. Quoi? C'est autour d'un objet. Annabelle. Oui, c'est ça. Non, sérieux? Ah ouais. Oui, c'est putain. Ça. Putain, je l'ai même pas vu. Ah, il est nul, j'ai ce film. En plus, mais ouais. Ah, je crois qu'il s'est éteint mon ordinateur. C'était le dernier de toute façon. Oh. Ah, mais c'est vrai. Mais quel timing. Putain, ah oui, bah, il s'est vraiment éteint. Bah écoute, merci mon gars, t'assures. Bravo, ouais. Bravo à nous. Voilà. Et j'aurais bien aimé avoir le temps de relire le commentaire parce qu'il disait l'histoire vraie d'Annabelle. Déjà, il dit ça alors que c'est vraiment une légende. Mais c'est une histoire vraie. Il dit eh oh les gars, c'est une marionnette Annabelle, hein, c'est pas une antithétique d'Ammoniaque. Il dit c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Oui, il dit que c'est un chef-d'œuvre alors que bah. Complètement fou ce mec. bah du coup on passe à l'écriture du film. Moteur. J'ai mis bien. Vraiment beaucoup rire. Ouais, moi aussi. Peut-être bah, pas pour les mêmes raisons. Car il. Pardon, il agresse ses techniciens. Ah non, mais je veux dire, je suis fan de ma blague. Ah oui. Je suis pas fan de Jean-Pierre Mocky, non, j'en ai rien à foutre de Jean-Pierre Mocky. Et donc on passe à l'écriture du film. Oui, s'il te plaît. Ok. Alors déjà, on va lister les clichés, les tropes. Ah oui, les clichés, putain. Bah ouais, quand même. Mais alors, le truc, c'est que déjà, faut qu'on sache si on part sur plutôt un film genre surnaturel. Moi, j'aimerais bien partir plus sur un film surnaturel. J'suis genre. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Il y a plus de chances que ce soit un film de merde, du coup. Mais... Bah oui, mais c'est plus marrant. C'est le but. Ok, ok. Bah non, moi j'essaie de faire de la qualité. Hans Célèbre Hôtel, j'en étais très fier, ok. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il était très bien. Non, mais je sais pas, parce que sinon, il y a quoi? Sinon, c'est un slasher. On a déjà tenté, c'est un peu vautré. Et sinon, c'est... Bah, slasher, en fait, le principe, c'est que tu racontes comment les gens... Ouais, voilà. Merde. Donc, on l'a fait, c'était drôle, mais... Y a mais pas non plus vous trop ne l'entendrez de... pas. Il n'y a pas trop de trucs de scénario à faire. Quoi. Voilà. Et sinon, bah, t'as quoi? T'as les films gore? Ouais, mais les films gore, c'est visuel, quoi. Ouais, voilà. En fait, tout ce qui est un scénario, faut faire coup, un film à coup, scénario. Quoi, forcément, c'est un truc surnaturel. Genre, mais un peu à la James Wan, en fait. Aquaman? Non, mais non, non. Non, genre, bah, je crois qu'en plus, c'est lui qui a fait Saw. Oui. Bah, du coup, pas Saw, mais genre... Insidious. C'est un petit scénario, il est pas que en. Enfin voilà, il y a une histoire. Ouais, mais. Ouais. C'est pas un slasher. Non, c'est pas un slasher. C'est pas du body horror non plus trop. Ça s'en sert, mais c'est pas le principe. Alors, body horror, c'est autre chose. Hein. Body horror, je crois, c'est plus genre style La Mouche. Style oui, c'est pour ça que je dis, mais c'est un. Il y a des moments gore, mais. Oui, mais c'est pas, c'est gore et enfin bref, peu importe. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pour ça, genre film surnaturel, ça, ce qui me paraît le mieux. Ok, on part sur ça. D'accord, donc on va. Bah, on va vous laisser commencer les invités. Les clichés, les tropes. Est-ce que vous savez ce que c'est un trope? Non. c'est une plage. Traduction. Ah, c'est un trope. J'ai déjà fait dans les deux épisodes avant. Et ouais, et ben on le fait à chaque fois. Non, ben du coup, merci Elsa. C'est on le dit à chaque fois aussi. C'est un cliché qui n'est pas négatif. C'est juste ah un oui, fait. D'accord. Ok. Ah oui, en plus, ouais. C'est un cliché qui peut être positif. Je l'ai entendu dans un autre épisode et j'ai oublié. C'était le 7e et le 8e. Ouais. Parce qu'on maintenant on dit ça. On dit non, le 6e et 7e. Oh, oui, c'est vrai. Pardon. Bref, peu importe. Allez, Christina. Bah, pour moi, c'est pas négatif, hein, mais inspiré d'histoires vraies. Ah oui, mais alors nous ça va être compliqué parce qu'on n'a pas toutes les recherches, on n'est pas dans une bibliothèque. Ouais, ouais. Bah si tu veux, j'ai la bio en 2 exemplaires de Chirac. Yes. Mais on peut faire un film d'horreur sur Chirac. Fais gaffe, hein, parce que là c'est fait. Hein. Chaque pas doit être un but. C'est ses mémoires. Chirac est dans le film. Voilà, c'est contrainte. Contrainte Chirac. Contrainte Chirac est dans le film. Ok, ça me va. Attention. Ça me va. Ensuite. Ensuite, un endroit aux apparences clean. Oui. Ouais. Mais à l'intérieur, dégueu. Enfin, dégueu comme dans quoi, le sens. C'est l'intérieur qui compte. Oui. Quoi? qui a déjà dit c'est l'extérieur qui compte? Non. Les gens superficiels. Déjà. N'importe quoi. Et donc, oui. Bah, voilà. Après, moi, je dirais aussi un objet. Ah, un objet démoniaque. Ou une table Ouija, il faut qu'il y ait une table Ouija ou un truc. Ah ouais, ouais. Un outil de communication. Un jeu de société. Ouais, un jeu de société, mais chelou. Ouais. Un petit enfant bizarre. Jumanji. Une petite. Un jeu de société maudit. Vous connaissez Zathura? C'est comme Jumanji, mais dans l'espace. Non. Je pensais non, que c'était stroncé le micro quand on parlait trop fort. Zathura. Ah oui. J'ai compris Zathura, moi. Non, Zathura. Bon, bref, pas bon. Non, je ne connais pas. Ouais, mais non, mais peu importe, j'ai dit pas. Il faut un objet, un objet qui a un lien avec une entité supérieure qui nous veut du mal. Ouais. Pour aucune raison. Il faut qu'il n'y ait pas trop de justification non plus. Oui, bah ouais, non. Que mais ce soit si... ouais, des gens un peu lambda, il leur arrive des ouais, trucs. Ouais, genre eux, alors ils que... sont pour rien, ils subissent. Comme ça, en plus, vu que c'est des gens banals. Après, ouais. Tu t'identifies bano. Plus. Bah, mais non, mais ça se dit pas banaux. Oui, je suis d'accord. Mais bah, je... Ils vont à des festivals. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Ouf. Et en fait, le festival, il est hanté comme. En fait, c'est Scooby-Doo. Tellement bien comme film d'horreur. Scooby-Doo? Ah, mais si, ouais. Mais il y a une histoire vraie où, genre, ils avaient organisé un festival sur une île et tout. Ah oui, non, mais c'est pas vraiment. Oui, c'est pas. Bah, ça peut être inspiré de ça, mais. Mais on peut s'inspirer de ça, c'est un fait réel. Il arrive que des merdes, vraiment. Ah ouais, le Fire Festival. Oui, mais j'avais pas. Et en fait, c'est des trucs hantés. Bah c'est Fire Festival, le titre du film. Non, mais il y a un film où c'est des gens inspirés d'un jeu vidéo d'un rail shooter, je sais plus comment il s'appelle, qui vont sur une île, la Isla de la Muerte. J'ai plus le titre, ça m'énerve. C'est pas Mortal Kombat, c'est un, non, un, non, non, un mais truc c'est américain, pas... un jeu américain de rail shooter, bref. Et dans, bref. Dans ce film, c'est des gens banals qui vont faire la fête. Arrête avec ça. Ils vont faire la fête dans une île qui s'appelle quand même l'île de la mort. Et ça leur fait pas le titre. La mort en espagnol. Ouais, c'est ça. Pour c'est... ceux qui ont la référence. C'est... Merci Karim Debache. Comment c'est dans non, Scooby-Doo. C'est... Non, c'est presque... c'est du niveau de... C'est du niveau, ok. Scooby-Doo qui a été écrit par le réalisateur des Gardiens des Galaxies, d'ailleurs. Je vais chercher le nom du film, ça me... Ouais, ça me hante un peu aussi. Vas-y, continue. Et voilà. Et sinon, tu parlais de personnes banales. Pas banaux. Et, banales. Bah, de toute façon, personne, c'est forcément banal. Parce que c'est oui, non, mais voilà, auquel on peut s'identifier. Mais dans ce genre de film, il y a toujours un enfant. Je veux dire... Oui, mais l'enfant, il est pas dans le groupe de jeunes ou de gens ouais. à qui on peut... C'est un, l'enfant, ouais. il nous fait du mal. Il nous fait du mal, ouais. C'est une... Voilà, c'est ouais. une analogie de la maternité. Du coup, on part sur un groupe de jeunes, parce que ça peut être aussi être une famille. House of the Dead. Voilà, House of the Dead, génial ce film. Enfin non, mais... Nul. Meilleur nana, mais oui. Voilà. Ça peut être une famille qui déménage, enfin qui emménage quelque part. Ça arrive cliché. Très souvent, toujours c'est ça, ouais, très cliché. Toujours ça, c'est trop. Ouais, ouais. C'est pas cliché, mais... c'est trop. Bah, non, là c'est cliché parce okay. que c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est vrai. Et c'est la maison qui est... Genre, il y a une entité dans la maison oui. où ils arrivent. Ouais, mmh. ouais. C'est le plus flippant, oui. je trouve. Ah, mais si, j'avais vu un film comme ça où genre... Tous. Le père, il monte au grenier, il trouve des cassettes et tout. Mais c'est Sinister, non? Voilà, ah, mais oui, c'est ça. Exactement. Incroyable. Genre, c'est belle, t'as aussi, t'as aussi Mama, Mama ou c'est... Ma. Non, Mama. Mama, un autre. Big Mama. Non. Non, mais cette saga, elle est compliquée à suivre aussi. Ouais, t'as Big Mama, Ma, Mama. Waouh. Ouais, pour se retrouver... Non, c'est... et du coup, Mama, c'est le film de... C'est pas réalisé par Guillermo del Toro, mais il a produit le truc, quoi. Il a mais il l'a vu. Il l'a vu, c'est déjà pas mal. Non, et du coup, c'est l'histoire ouais, d'une mère qui est... Je crois qu'elle est morte et elle a abandonné... Enfin, genre, c'est, du coup, ses enfants oui devaient se débrouiller tout seuls. Et en fait, même morte, elle s'occupait quand même de ses enfants. Et après, du coup, il y a des gens qui viennent les adopter, mais ah, elle est là. Elle encore, reste quand même. Elle, alors, il y a un film, j'allais en parler, mais en fait, c'est du spoil. C'est en gros. Ouais, pardon. Voilà, bref. J'allais parler d'un film qui partait un peu de ce postulat, mais le twist est un peu de ce genre-là. Mais c'est du spoil. Ok. et du coup. Mais très voilà. Bien. Mama, pas ouf. Mais je crois que c'est un des films qui m'a fait le plus flipper, par contre. Parce qu'il fait vraiment flipper, mais il est nul. Mais il fait flipper. Ah, c'est The Secret. Je sais pas si tu l'as vu. The Secret, ouais. Ouais. J'ai pas vu. Ouais. Oui. J'ai jamais entendu parler de ce film. Ok, bah c'est dommage. Quoi d'autre comme mais cliché? Du coup, c'est. Alors attends, on récapitule. C'est une bande de jeunes qui va à un des festival fantômes. Comme ça ou juste des gens qui déménagent? Non, des gens qui déménagent, non? Ouais, qui déménagent. Près d'un festival. Oh oui! Oh non! Ils rentrent dans un festival et au festival. Il y a des solidaires juste ont, à côté. Attraper un fantôme. Enfin, genre, tu sais, comme t'attrapes la grippe, mais il y en a un, il a attrapé un fantôme, quoi. Genre, il s'est fait posséder ouais, oh, ou... encore encore, on est dans merde. C'est qui le petit camarade qui te l'a refilé, cette fois-ci? Bon, tu prends deux doliprane et tu vas au lit. et ouais. Non, je sais pas. C'est un peu nul. Bah, moi, ouais, j'aimerais bien un truc... Il y a quelqu'un qui meurt dans... Tu sais, pas parodique, mais genre qu'on fasse un truc un peu nul, où les personnages, ils réagissent de manière nulle à ce qui leur arrive. Oui. Ouais. Déjà. Bah oui. Bah, mais pas parodie, tu vois, genre les événements ils sont sérieux et eux ils sont débiles. Bah après ils sont souvent un peu débiles. Non, mais ils sont en situation de stress. Ça dépend. Ouais. Ils grincements, ils montent en haut. T'as déjà eu un démon qui te collait au basket? Bah voilà. C'est vrai. J'ai pas d'argument. Qui te collait au basket. bah pff, voilà hein, les clichés. Bah non, il y en a beaucoup plus, mais. Non, mais est-ce qu'on va. Dans le genre de, de surnaturel, on a... enfin, ça se développe, tu vois, c'est genre on a... t'as des bases quoi. Exact, ouais, c'est t'as vrai. Pas compris, ça veut dire. Non. Si on part sur la famille, ça peut être un truc qui vient, ouais. qui est dans la maison. Ou c'est et l'enfant. En fait, oui, c'est l'enfant qui s'en rend, enfin qui communique en comme quelque d'hab. Sorte et qui un se enfant asthmatique. Oui. Un enfant asthmatique qui a des problèmes avec la vente. C'est ouais. vraiment qui shiny. Qui aime bien dessiner, qui finit par dessiner sur les murs et voilà. Et son père écrit plein de fois la même ligne sur une machine à écrire. C'est marrant, ça me fait penser à un film, mais je sais pas lequel. Ouais. Et ils vont dans un hôtel en fait. Ouais, ouais, ils sont tous oui. seuls dans et à un moment, il fait froid. Il danse, ouais, il fait très froid. Chelou, il y a une vieille. Elle... Bon, elle, est pas... elle a l'air jeune et en fait elle, au début elle est jeune, ouais, elle est bien conservée pour son âge, puis après après bof il y a des vers qui commencent, bref, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu Shining, oui oui bien sûr, on parlait de Stephen King, ouais. Et du coup bah on commence l'écriture du film, ouais, bah formidable, bah alors déjà ce film s'ouvre sur non attends lieu de l'action, date de l'action. Est-ce qu'on définissons le fait à la les enjeux. Non, parce qu'en général, ça se passe toujours aux États-Unis et tout. Ouais. Oui. On n'a pas beaucoup de films français qui se passent dans une petite ville française. C'est normal, c'est avec nul. Des maisons. Si, t'as Shaitan de Kim Chapiron. Non, pas Kim Chapiron. Kim Chapiron. Ah, il y a Grave aussi, non? Grave. Bah, Grave, oui, c'est en Belgique. C'est pas en Belgique. Non, c'est en France. Non. C'est peut-être en Belgique. Je croyais mais... que c'était en Belgique, moi. C'est un film parce qu'elle français. Est... Me... Ah ouais, je pense. Mais c'est un film français, mais. Ah non, je sais pas. J'ai pas. En fait, j'en sais rien. Mais je crois... Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était en Belgique. Mais non, il y a pas beaucoup. C'est vraiment trop moche pour que ce soit en France. Ouais, c'est ça. Et le plat pays. Yeah, yes. Attends, t'as pas un petit truc pour les Belges là? Ah non, je les déteste. Un petit mot d'amour, ouais, d'accord. Non, ils m'en veulent. Hein. On n'est pas écoutés là-bas. Hein, donc, non, Belgique, zéro auditeur. Hein. Bah, en France aussi, ouais. Mais bon. pas de. C'est pas faux. du coup, en France. Mais ouais. Où en France? Non, pas en France, forcément, un pays nul. Parce que la France. Tu, pourquoi genre, tu as un pays nul? Mais ouais, mais attends, ça se fait pas pour les gens qui habitent ces pays. Bah, ouais, c'est vrai. Non, Russie. Mais bah, la France, en vrai, il y a plein de coins de la France qui sont nuls. Ouais, bah ouais, genre la Creuse. Bah oui. Mais je connais très bien la Creuse en bah, plus. Non, mais nous, on connaît pas la découverte. Bah, on a de la chance d'avoir une experte de la Creuse. Ouais, bah, ouais, du coup, ouais, la Creuse. Ouais, ouais. Et justement, en fait, il y a personne autour et, c'est, et ça, ça peut genre, être bien. Mais ça, c'est. Trop facile. Justement, il est dans un immeuble, c'est encore mieux. Ah non, j'ai vraiment c'est, fait. C'est... Ah, c'est différent. Et après, je me suis rendu compte, bah oui, c'est différent. Ça a parce jamais que... été fait ouais, parce que ça marcherait est-ce pas. Est-ce que déjà que les idées sont nulles oui, non, bah oui, peut-être. Bah non, du coup, oui, pas ça. En fait, le truc, c'est que à chaque fois dans nos épisodes, on aime bien tous les films, tous les genres de films sont, se passent majoritairement aux États-Unis, ouais. Et donc on les décale toujours vers la France dans un pays, dans un coin nul. Ouais. Coup, bah, faisons-le direct aux États-Unis. Ouais, allez. Aux États-Unis. Pour aller dans le cliché. Que... Ou au Canada, c'est la version low cost. Ouais, ouais. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est vraiment low cost? Non, c'est pas du tout. Je pense pas. Mais. Mais en vrai, ouais, parce que c'est des grands pays avec genre des forêts, des trucs comme ça autour ouais, des maisons. Des lacs. Très important les bon lacs. Alors il y en a des un lacs, peu partout pour des les lacs. Corps pardon ouais mais je sais pas moi je vois bien le truc dans la maison isolée en Écosse dans les sapins dans... et tellement voilà hop là en Écosse je suis d'accord bah, ça part en prod déjà puis il y a les fantômes des chevaliers genre les trucs comme ça le celui qui fait à la fin de putain Braveheart celui qui fait le discours ouais non Braveheart vous avez pas vu non non c'est un film sur la défense bah écoutez voilà. Du coup, en Écosse, et, ouais. Et c'est l'histoire, mais une histoire inspirée de faits réels, mais qu'on invente. Ouais, exactement. Cette histoire est inspirée d'un scénario. et voilà. Et quand aussi très important de. C'est définir. Pas en Écosse quand, c'est vraiment en Normandie. Ah putain. voilà. Oui, quand dans les années 80. 80, parce que ça peut être ça de peut nos être jours aussi. Hein. Mais non, mais avec tous les ouais, téléphones c'est et ça, tout, ouais. la génération ça, grecque. Sinon, on fait un truc genre avec un peu en mode Paranormal Activity. Possédé. Et genre. En found footage. Ouais. Nul. J'en ai fait un en found footage, j'avais 14 ans, c'était nul à chier. Oui, non, mais le tien, j'en doute pas, mais. les vrais bons found footage. Non, les vrais. Vous voyez non, pas ce que c'est les found footage non. C'est genre. Les c'est archives genre, perdues. Ouais. Oui, c'est genre Paranormal Activity, ouais, ouais, le projet Blair Witch, okay. Rec, okay. Cloverfield. Ouais, moi j'ai bien aimé Cloverfield, mais j'avais 13 ans, tu vois. Donc, Mais c'est peut-être. non, mais oui, en fait c'est un peu une solution de facilité et ça se fait plus trop. Tu vois. Non, mais c'est une solution de facilité. Bon, ok. non, mais ça peut marcher, mais vu qu'on va pas le réaliser, autant en mettre la balle de moyen, on s'en bat les couilles. Oui, non, mais d'accord. Parce que ça, c'est quand t'as pas de... Non, mais ça me fait marrer de faire des trucs... Parce que du coup, c'est des trucs nuls, genre, qui se passent. Genre, au pire, là, la vlog. Poignée, elle bouge. Non, mais c'est un vlog, tu sais. ouais, mais on fait un film d'horreur tourné en perche à selfie. Genre... oui, bah oui, déjà. Oui, moi, je signe. mais oui, c'est Logan Paul. Salut tout le monde. On se retrouve pour une petite... Ah, mais voilà, le fait réel, Logan Paul qui va dans la forêt des au Japon. Au Japon. Logan Paul, The Movie. Et bah voilà. Ok. On a notre fait. Il est au Japon. Il est au Japon. Où c'est genre comment il s'appelle là, le Grand JD. Non mais Logan Paul il est vraiment débile. Ouais, alors que vraiment, le Grand JD ça va tu vois. Pardon. Logan Paul il pourrait genre être personnage de film d'horreur mais sans problème. Ouais ouais ouais. Bah oui bah j'espère qu'il meurt au début. Logan Paul et toute sa clique. C'est le premier à mourir. Le film c'est Logan Paul et toute sa clique. C'est le titre du film. Non, c'est non. Pas le titre. Non, non, non, non, non. Pas encore. Pas encore. Non, bah oui, oui, carrément Logan Paul, ouais, de ouf. Et, bah, et si donc, on peut Logan le faire buter, Après, est-ce qu'il part au Japon forcément? Non, il va en Écosse. Il va en Écosse. Va en, mais Écosse. C'est en fait, c'est une suite, genre. Il veut, il, en fait, à la base, il veut faire un et truc c'est genre. C'est le fantôme de la personne qui s'est suicidée, qui l'a filmé, qui l'a. Et en fait, qui l'a suivi jusqu'en non. Écosse. À la base, ouais, peut-être. Ça c'est bien. C'est ce que j'ai dit en fait, mais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien. Bravo. Non, et en fait. Il n'y a rien. Oui, c'est Logan Paul. C'est lui, Logan Paul. Oui, c'est lui. Elle nous montre la photo de Logan Paul. Pour être sûr. Okay. Si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez toujours taper Logan Paul. Logan Paul. En gros, il loue une baraque. Pas obligé. À la base, son projet, c'est il loue une baraque en Écosse. C'est la Redbox en Écosse. Pourquoi? Non, il loue une baraque en Écosse pour faire genre pareil que Projet X. Ah ouais. C'est vraiment son style de ouais de, carrément ouais, de vidéo. Ouf ouais, ouais. À la base il veut faire un truc comme Projet X sauf qu'en fait rien va ne se passer. Il y a son rien frère. Ne va rien rien ne va rien se passer comme d'habitude prévu. Ne passer va ne... et en fait il y a son frère qui débarque et tout va mal. Déraper. Ah ben oui ils ont... son c'est frère, vrai qu'il a un frère qui est pas très futile ils savent comment quoi. Franchement les deux j'ai envie de dire que c'est famille ouais bah ça doit être ça non Logan Jake Paul. Jake Paul. Jake Paul. Jake Paul. Logan Paul et Jake Paul. Ils ont à peu près la même tête, si tu veux. Okay. Okay. Mais il y en a un qui est plus jeune, juste. Oui, voilà. Et ouais, et du coup, il ramène donc cet esprit qui vient du. Ou alors les esprits communiquent entre eux et en fait. Ouais, oui, c'est la personne suicidée au Japon là. Ouais, ouais s'il y a moyen de le faire chier en Écosse. Voilà, vous êtes dispo le 5. Le 7. Ok, le 7. Et hop, le 7 il se fait emmerder. J'ai voulu participer à l'impro, t'as quand même... tu m'as pas laissé. tu m'as exclu. Pardon. J'ai pas calculé. J'étais dans fond, quoi. J'étais dans ma bulle, mon gars. Je suis dans ma bulle. Pardon. Mais trop bien comme histoire déjà. Ouais. Du coup, ouverture du film, genre en mode un peu. En mode vlog. Ouais, genre, mais, hey guys, mais après, le truc c'est que ça peut se transformer, c'est pas un vlog, tu vois. Ouais. Genre un peu à la pas très normale activité. Non, non mais pas on comme peut ça. Commencer. Désolé, hein, mais. Genre, mais non, si. Mais les premières images du film tournées en vlog, et après ça se fixe, et genre, non, ça... mais... après le truc se brise. Ah, comme, comme dans Justice League où ça commence par un fan footage où c'est un gamin qui filme Superman, ouais, et voilà. Après c'est un vrai film. Ouais, voilà. En fait, t'as l'introduction vu, mais de. Ouais. Bah, c'est... Ouais, je l'ai pas c'est vu non plus, ça, mais. Je pense. Bah, en gros, au début, c'est... le premier plan, c'est un truc vertical d'un quelqu'un qui filme Superman. Ouais, c'est un snap, quoi. Ah oui, ouais, après, ouais, ça se voilà. Mais pourquoi tu veux que ça se brise absolument? Parce que attends. Ça fait peur. Ça peut pas se briser dès le début. Mais attends, tu veux dire qu'on voit l'écran se briser? Oui, mais c'est ça. Mais quand t'enregistres ouais, mais en ton fait, écran, ouais. Tu vois pas. Bah, non. Parce que. Que tu fais une capture en d'écran fait, et la caméra, elle est tellement petite, genre là, si ça se brise, ça fera pas des fissures comme sur. Ok, ok. Mais ouais, je vois. Et donc, et voilà. Ouais. Mais genre, oui, du coup, en mode truc, on comprend, il explique qu'il va faire, il fait « Yeah, we are gonna make Projet X. » Très bel accent. Yeah. Il tourne comme ça, yeah, et yeah. Il fait visiter la maison. Ouais. Ouais. Oh, hey guys, un room tour. Blablabla. Bla, bla. Il fait est-ce un room que... tour, et c'est vide. Ouais. Et là, du coup, il fait le truc, enfin, genre, il invite plein de gens dans la baraque. Non, au début, et là, tu vois accueillir les gens toujours avec sa perche à selfie. Et en fait, il a, oh, Halloween. Regardez qui vient d'arriver et tout. Non, mais justement, en fait, et c'est que des youtubeurs. Il veut inviter plein de gens. Mais non, mais parce qu'il veut inviter des gens des alentours, tu vois, des gens qu'il connaît pas, comme dans Projet X, exactement. Ouais, mais ah, dans parce Project que le mec, il a pas de potes. Il a genre. Si, non, mais, attends, mais genre, Jake Paul, il a toute sa clique, et en plus, il veut inviter des gens qu'il connaît pas. Et je croyais qu'il avait genre 3 potes, un truc. Se ramène incognito, son frère. Ah, je sais pas, son frère et sa clique. Son frère et la Team 10. Ok, mais en plus, il veut inviter des gens qu'il connaît pas. Il invite les jeunes du quartier. Mais, il veut inviter des gens qu'il connaît pas. Mais oui, oui, mais il y a personne à côté. Du coup, il va dans la capitale et il dit les gars, il y a 50 oui, voilà, km y a personne d'ici. À 50 km. Et y a personne. Hey, tout le monde arrive en voiture. Et il y a personne qui vient. Vous buvez pas du coup, bah super soirée. Et à un moment, tous les pneus éclatent et plus personne peut rentrer chez lui. Ils sont tous oh, là. C'est nul. Bah il y a plus les bus à cette heure-là. Sacré Logan. Les scénaristes fainéant. Pourquoi? Bah parce que merde. Tous les pneus éclatent. Pourquoi tu fais chier? Non mais c'est du surnaturel. Le ça. Spectateur fait son histoire. C'est une fin ouverte. Et genre moi j'avais l'idée genre il y a personne qui vient et du coup les autres ils sont là en mode bon bah c'est nul en fait, enfin genre il y a personne qui vient, nous on rentre et lui il a juste loué la baraque pendant quand, il se retrouve tout seul dans la baraque. Putain, il se retrouve non mais genre avec son frère et tout. Et qui meurt en premier. Le frère. Mais est-ce que il meurt? Non. Oui, le frère forcément. Ouais. Le non, frère meurt et après il se fait posséder et il meurt pas et disparaît. Oh. Ouais. Attends encore. Ils peuvent disparaître mais toujours là. Excuse-moi, il meurt pas, ils disparaissent. Attends. Je la refais. Il meurt pas. Ils disparaissent. C'est du plus bel effet. C'est vraiment somptueux. Et du coup, je la laisse pendant qu'on écrit. Ouais, vas-y. Ok, du coup, ils arrivent. Ça va nous mettre dans l'ambiance et tout, ça va. Ouais, je pense que c'est inspirant. Et du coup, ils arrivent dans la baraque comme ça. Et voilà, il invite tout le monde. Ils attendent. Au début, tu vois, ils visitent la baraque. Et tu sais, il fait des trucs à la jackpot. Genre, il touche à tout. Il casse un peu des trucs. Ouais, genre, de ouf. Il fait tomber les casseroles. Il fait des trucs. Oups. Comme ça, il laisse tomber. Il est insupportable, les trucs. Ce mec. Ah ouais, il est vraiment gay. Les deux vraiment sont horribles. Ok. Bah, en gros, il était allé au. Il y en a pas un pour attraper l'eau dans la famille. Il ouvre, tous les robinets de la maison. Du coup, j'enlève la musique. Ça peut marcher, ça. C'est vraiment un truc chiant. Genre, il va allumer tous les robinets et après, il les laisse. Il les laisse couler et là. Non, mais en fait, ne vous inquiétez pas. Et là, l'esprit arrive par les robinets et il aurait jamais dû ouvrir ses robinets. C'est un esprit écolo. Voilà. Tu n'as pas voté pour écologie de verre. Comment? Mais du coup, non, mais parce que je me suis rendu compte, on n'a pas du tout expliqué qui était Jake Paul, enfin Logan Paul. C'est deux youtubeurs insupportables, il n'y a pas besoin de savoir. Ils ont commencé sur Vine, je crois. Ouais, c'était des Viners, ils étaient bien à l'époque. En gros, ils font des vlogs. Après, quand ils ont filmé des. On s'est rendu compte qu'ils étaient cons. Ils sont allés dans une forêt. Lui, il est allé dans une forêt au Japon, la forêt où des gens se suicident, en fait. Il a fait exprès, c'était pas. Il a fait exprès, bien sûr. Et il cherchait à filmer un corps. Encore pendu. Oui, voilà. Il l'a vraiment mis sur internet. Surtout, et il a rigolé. C'est pas juste qu'il l'a filmé, c'est qu'il était devant en mode oh, mais regardez, c'est un suicide. Ouais, non, mais voilà. Mais voilà, vraiment, mais pour et, deux, et, aussi, et, après, et il a présenté ses journée. Excuses en pleurant quand même. Ouais. Oui, et puis pendant son voyage. Il a voyage, gagné des abonnés après, quand même. Ah oui, quand même. Si on fait le différentiel entre avant et après, il a gagné des abonnés. Et puis pendant son voyage au Japon, il faisait chier les Japonais en balançant des. Alors que c'est le pays où faut pas déconner. Ouais, voilà. Donc, enfin, pas faire chier les passants. Mec, pas cool, quoi, Logan Paul. Donc il va mourir. Voilà. Donc voilà, il fait des trucs avec Logan Paul. Et du coup, c'est Jake Paul qui meurt au début. Et Logan Paul, après, il flippe. Non, mais Jake Paul disparaît. Attends, c'est quoi la clique de Logan Paul? C'est la Team 10. Ça s'appelle la Team 10. Je sais pas, c'est des youtubeurs un peu cons. La Team 10. Oui, c'est mais après, on s'en fiche de les nommer. On dit que c'est tous les Vine. Oui, mais ça. Ouais, c'est des Américains. C'est la Team 10. Tu tapes Team 10. Mais bon, bah voilà, c'est la Team 10. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont c'est 9. Pas mal. 9, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Ils sont 9. Logan Paul, il a joué dans des films quand même. Avec Logan Paul. Bah, le nôtre déjà. Ouais, le nôtre. Ah, on prend le vrai du coup. Bah oui, évidemment. Ça fait, ouais, c'est plus. Logan Paul as himself. Et ok, du coup il arrive et du coup comme il fait un peu le con dans la baraque, ça fait chier un peu les entités qui vivent ici. Ouais. Parce que c'est pas une baraque, c'est plus genre un espèce de château. Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'en Écosse ce fantôme? Par sa caméra. Bon, on s'en fout. Ouais. Mais on s'en fout de comment elle est arrivée. Bah allez, c'est bon, à la fin il meurt, putain. Voilà, non mais. Quand on se fait chier. Non mais voilà, il y a juste. Oui, mais comment elle apparaît, c'est ça le truc. Comment bah voilà, comment elle se manifeste, ça va être marrant. Comment qu'elle fait peur. Manifeste, exactement. Mais du coup, à la base, il a loué la baraque pour. Pour Projet genre, X. Pour oui, non mais d'accord. C'est quoi Projet mais pour, X pour, genre pour 5 jours. Vraiment? Non, ouais. Attends, mais c'est Projet X dans le sens porno ou Projet X dans le sens autre chose? Quoi? Mais non, le film. Ah, ok. Le film Projet X. Ah, elle avait pas la rêve. Ah oui, non. Non, mais c'était beaucoup de gens. T'imagines, le mec, il va à la capitale, il va à Glasgow. Les gars. Pour faire une partout. Qui veut Ken? Toi. Je le sens bien, là. On m'avait dit que c'était un mec Michel. Chelou, du coup. On a Michel. Michel, il est chaud. Tu vas au PMU, ils sont tous chauds. Hein. C'est que des gars et très homophobes généralement. Donc, ça c'est marche pas moins. Faux, c'est pas faux. Mais non, non, mais on aura... non, l'épisode sur les films porno arrivera plus tard, mais. Oh, très bien. Mais c'est vraiment. Bonne idée. Oui, j'ai quelqu'un à inviter, mais. Quoi? Non, mais. Eh ben. On en parlera plus tard. Mais ouais, ouais, ouais. Je suis hypé. Ouais, je suis hypé par ma propre émission. J'ai hâte que ça sorte. oui, oui, oui, oui, on s'en fout, c'est un fantôme. Hein. Oui. Oui, c'est un fantôme, tout ce qu'il y a de plus standard. Sinon, c'est juste un fantôme qui était là de base. Et genre, c'est pourquoi de... il non, fait... vient de faire chier le gars. Parce que le gars, il s'est un peu embrouillé avec d'autres esprits. Tu vois, Logan Paul, il a fait chier d'autres esprits. Mais et il les fait esprits, chier tout le monde, tu vois. Ouais. Non, mais déjà, il fait chier les vivants. Alors, si ouais, alors chier les morts, morts en plus. Il fait chier en plus les morts. Et du coup, ça va. Est-ce que ça tourne? Oui, oui, ça tourne, c'est là. Hein, ah oui, d'accord. Non, mais moi je voulais dire, vous avez vu le film Grudge ou pas? Grudge. Grudge, oui. Non, ah, vu, le copain d'Orelsan. Orelsan et Grudge. Ouais. The Grudge. The Grudge, oui. Non, mais c'est The Ring en fait. Okay, The Grudge, c'est le personnage du. Oui, bah le personnage, on peut l'imaginer voilà, comme voilà, ça. Voilà, voilà. Bah, voilà. Pour genre, qui une sort meuf, de la télé. Ouais. Oui, bah oui, vraiment de son téléphone. Oui, ah, oui, une main qui fait, qui genre qui sort du téléphone alors, comme oui. ça. Elle est bloquée parce que c'est un. Ou alors, c'est trop petit. Du coup, elle passe trois doigts. Et mieux. Ah, bah. C'est dans The Ring où elle sort de la télé. Oui, au bout de 7 jours. Ok. Ah ouais. Voilà, elle sort au bout de 7 heures. Elle est très rapide. Il décide. Bah la 4G. Hein. C'est comme ça qu'elle est arrivée en 4G en fait. Il décide comme il se fait chier en fait pendant 5 jours tout seul. Enfin, genre avec juste ses potes. Il décide de se remater sa vidéo. Ah ouais! Et là il voit le cadavre bouger et le tout! Le gars qui sort de sa vidéo! Non, non, parce que ça, ce serait du plagiat, mais genre, ouais, juste un peu quand même, dans la vidéo, le mec, on voit parfaitement, il bouge la tête. Ouais, et là oui, il commence juste, à flipper, genre juste, il lâche son téléphone et ça, il s'éclate vrai, par terre. En vrai, ça c'est un vrai ressort ça, de film d'horreur. C'est juste le mec qui bouge la tête. Ouais, il bouge la tête. Pas vite, genre. Et tu te rends compte que aux trois quarts du mouvement. Ce serait vraiment horrible comme film. Mais il est mort! Ouais, ouais. Mais non, mais en vrai, ça c'est un vrai film. Non, mais en vrai, c'est un vrai film. Vrai. Mais en sachant que mais la vidéo peut, existe vraiment, tu vois, c'est vraiment horrible. Ce serait horrible de faire ce film. Ah oui, mais clairement, mais c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais c'est un film d'horreur. Et hein. qu'on n'a pas les budgets aussi. Mais, bah oui, aussi, mais c'est nul. Et Logan Paul, aussi. Bon, il y a plein d'inconvénients de production. Mais oui, genre, il tourne la tête un tout petit peu. Genre, ouais, mais déjà, faut instaurer un peu le truc. Et après, le mec, il s'en rend compte qu'il s'en était pas rendu compte dans la vidéo. Genre, quand il a dû le tourner, que la caméra filme le mec pendu, il tourne la tête. Ou alors, et il est en train de regarder sa vidéo, il dit oh putain. Ou alors, c'est le il moment. Il l'a pas vu au montage. C'est justement le moment où il met en ligne la vidéo. En fait, on revient en arrière. Mais et du coup, il serait en Écosse quand 5 jours plus tôt. Bah oui. Ça, c'est moi. Non, mais genre. Il te demandait sans doute comment je. Il t'aurait pas dû y aller. Bon, peut-être pas, ok, c'était une mauvaise idée, d'accord. De quoi? De quoi? Le flashback? Oui. C'est toujours une mauvaise idée. Oui. Non, mais c'était pas un flashback en fait. C'était quoi alors? C'était. Alors, on commence le film plus tôt en fait. Ouais, en fait, le film commence vraiment peu de temps après que ça s'est passé cet incident. Non, directement. Non, moi j'aime bien qu'on suive. Mais du coup, on quitte l'Écosse le... Parce que qu'est-ce qu'il foutrait à monter sa vidéo en Écosse? Non, non, parce qu'il tourne les vidéos, il les enchaîne le mec, il a pas le temps. Il fait le tour du monde en même temps quoi. Le gars, c'est un charbonneur, moi je te le dis. Charbonneur. Il est comme ça, on les perd. Hein. Ils travaillent, les gars. Hein, mon pote, ça c'est YouTube, hein, je te le dis. Allez, la nouvelle génération. Les mecs, ils font 4 métiers en même temps, c'est incroyable. Allez, on a pas, tu sais comment on les appelle? Les slashers comme les films. Les slashers, c'est vrai. C'est une vraie info. Ah ouais? Oui, les gens qui font genre. Journaliste slash. Ah oui, c'est et vrai. Et tueur ouais. au couteau. Ouais. Du coup. Ok. Mais voilà. Bah, je ne savais pas. Bah, ça s'appelle des slashers. Okay. Tu le sais maintenant? Ah, j'ai compris, du coup, France TV slash. C'est ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ah, c'est ça? Ouais, merci. Parce pour qu'ils la ont des, une petite émission spéciale pour les slashers, du coup. Ah, ouais. Où ils expliquent leur double vie. Ok. Voilà. Ah, ok, bah voilà. Bah, c'est ça, du coup. Ok, d'accord. Et du coup, rien à voir, du coup, avec par exemple Freddy et Grippe de la Nuit. C'est un slasher? Oui. Ouais, bah, du coup, rien à voir avec ce film. Ok. Pourtant, c'est le même mot. Attends, du coup, mais ok. Donc, on commence pas le film, on commence directement, il est là-bas en fait. Oui, ok. Oh, oui, donc, il est au Japon. Et on non, suit. Non, il est en... Mais on commence. Écosse. Non, mais tant pis, on oublie cette idée. Je comprends rien. Elle est... Non. Tant pis, on oublie cette on idée. Est, on est retourne dans le robinet. On est en Écosse. On est en Écosse. Okay. Il voit. En gros. Il commence en vlog. Il commence en vlog. Il ramène ouais. des gens pour oui. une soirée. Qui le regarde. Il va voir dans toute la ville et tout. Ça prend un peu de temps et tout. Il fait on fait une grosse soirée. C'est pas un village. Tu sais, en plus. Mais non, parce qu'il n'y ouais, a pas de village. Non, mais il y a des villes aussi en Écosse. Il y a quand même des villes. sais, en et mode. Justement, il va plus loin. C'est l'équivalent de Quimper, mais là-bas. Quoi. Moi, je l'imagine vraiment, genre, avec la voix anglaise en fond et la voix ouais. française par-dessus. Ouais, moi aussi, j'imagine ça. Eh, hey, on organise une soirée ce soir à Brain Orient. C'est le nom de la ville. Et derrière, t'as le blue gang qui est là. Hey, guys! Genre Jackass, en fait. Et il va voir dans toute la truc. Et il rentre chez lui. Et là, ils sont tous hyper chauds en mode. Ouais, Et là, du coup, ils rentrent dans la baraque, ils visitent, et ils sont tous hyper chauds en mode « Ouais, il y a plein de gens qui vont se ramener, ça va être trop cool et tout. Mm. » Et petit sinon, à petit, le temps passe. Personne, il y a juste une meuf chelou qui vient. Oh, ouais, de ouf. Et c'est le démon. Et c'est le démon, en fait, voilà. Genre qui a pris le contrôle. Qui a mangé de tout le monde. Voilà. Et genre, elle a pris du temps, elle a cuisiné, c'est pour ça qu'elle arrive en retard un peu. Il y a une meuf chelou qui arrive, mais eux, ça leur suffit pas pour faire la vidéo, quoi. Et du coup, ils sont un peu deg et tout, ils savent pas quoi faire. Chier. Genre, pour faire leur vidéo, ils font des pranks ouais. et tout, sur la meuf qui est toute seule. Là, ça devient vraiment qu'une vidéo de... Là, on est en train de faire une vidéo de Logan Paul. Pas du tout un film d'horreur. Bon, les gars, on a renommé non, mais ce au bout d'un moment, genre, intérieur, elle réagit bizarrement et au bout d'un moment, elle se vénère sévère et elle... Genre, elle reprend sa forme démoniaque. Ouais, elle rigole de manière générale en mode non, mais arrêtez les gars, genre voilà. Et, mais on oublie l'histoire de la vidéo du coup. Mais. Laquelle ah, mais ils lui font un prank en lui mettant la vidéo. Ils vont lui faire croire qu'ils vont. Non, non, attends. Attends, j'avais prévu. Ouais. Non, c'est bien l'histoire de la vidéo en vrai. Ouais. Bah, le gars il tourne la tête. Ouais, le gars il tourne la tête. Ouais. Bah, il se la regarde mais juste avant la soirée. Le gars tourne la tête vers la meuf. Non mais il se la regarde juste avant et là, la soirée. Il lui fait oui. Il se la regarde juste avant. Oui. Il se la regarde juste avant la soirée. Et donc, ça le met mal. Attends. Du coup, il regarde la vidéo comme ça. Et là, dans la vidéo, le mec pendu tourne la tête. Il tourne la tête. Ce serait marrant que tu aurais mis que 3 notes. Putain, mais depuis le début, j'attendais ça là. Ce moment. Il a pas arrêté de me couper. Pardon. et voilà. Et du coup, il tourne la tête. Et après, ça le met mal un peu. Il se dit, c'est bizarre, je l'avais pas vu ça. Bah, il est censé être mort, quoi. C'est ouais. bouge pas, un mort. C'est pas lui qui le remarque. Lui, il est complètement teubé. C'est un de ses potes, en fait. Mais il louche. Déjà, il louche. Mais le mec, gars. Là, il a tourné la tête. Et lui, quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais n'importe quoi. Et genre, tu me parles pour un con, quoi. Il rembobine et tout. Il rembobine. Non. Il touche le timecode. Il replay. Bah bref, il revient en arrière et il remet le moment et lui il voit pas, tu vois, il fait mais non mais c'est le vent et tout. Et c'est là, le vent. Il est vraiment débile. Le vent est très fort. Hein. Le vent fait tourner seulement la tête, pas le corps entier. Bah en fait c'est un peu le syndrome de Scully. De quoi de... Ah bah bien sûr. Alors le syndrome de Scully, c'est quelque chose qui le est tiré syndrome de Scully. C'est tiré de X-Files. C'est-à-dire que y a un personnage qui s'appelle Scully, je crois, dans X-Files. Alors je connais pas X-Files, mais en gros, il est. C'est un théorème. Ça fait qui peur dit ou que... pas le théorème le... Non, c'est pas, ça fait pas du tout bon, peur, d'accord. C'est une explication de scénario. Donc. Et en gros, comment dire. Pour renforcer l'histoire surnaturelle d'un film, la crédibilité, on met un personnage qui n'y croit pas du tout, et qui va jusqu'à. Croire à des trucs pas du tout vraisemblables pour justifier que c'est pas paranormal pour justement dire mais en fait les gens qui pensent au paranormal dans le film qui sont les héros c'est ils ont raison qui, ouais, c'est eux, genre eux les et plus que personne les croit ouais. C'est notamment dans Signe où il y a un alien qui arrive dans la ferme des héros là, de la famille recluse avec Mel Gibson. Et qui saute très haut juste sur leur toit qui fait 3 mètres. C'est une maison normale. Et il y a la flic qui vient le lendemain et il dit. Alors, eux ils disent bah, ça devait être un homme qui faisait cette taille là. Alors pourquoi ce serait pas une femme? Bah je sais pas, il a sauté quand même très haut donc déjà, bon, une remarque débile mais. Et il dit genre, la meuf elle préfère penser que genre, c'est une meuf ou un homme ou quoi que juste dire bah attends, il a quand même sauté 3 mètres, on va peut-être faire une petite enquête les gars. Ouais. Et enfin c'est un exemple un peu pété mais voilà c'est en ouais, gros bah, c'est pour renforcer ouais. Le syndrome enfin que tu ta crédulité par rapport au surnaturel dans le film. Ouais. Bah du coup ouais j'ai fait ça sans connaître ce truc. Génie. Moi je dis génie. Pour moi c'est Black Mirror. c'est pas aucun rapport. Si. Oui à peu près. Environ. Le mec il n'a aucun avis, il change d'avis. et du coup je sais plus ce que je disais du coup. Mais du coup, oui. Ouais, lui, il y croit pas lui, du tout quoi. C'est pas lui qui même en voyant, en étant face au truc, mais même pas du tout, c'est le vent. En fait, le mec il regarde au-dessus de la télé. Pas du tout, elle touche pas du tout ce mur. Mais tu n'as pas tes lunettes, Logan. Tu es astigmate, tu le sais. Ah, pardon maintenant. Il y a quoi, il y a sa mère tout à coup. Parce qu'il a amené sa mère pour, parce qu'il pour sait pas. Faire une prank. Juste pour ça. Et non, mais voilà, ouais, et du coup, il croit pas du tout. Bon, du coup, et du coup, c'est à ce moment-là c'est quand la que meuf ça arrive. Sonne. Ouais. Et que la meuf chelou arrive. Mais la musique qui fait peur. Tu vas la mettre c'est toutes les 3 secondes. C'est à ce moment-là que la meuf arrive et que ça sonne dans la maison. Ouais, non, c'était mieux quand ça sonne. Ding dong. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, je suis une mademoiselle et je suis possédée par le démon. Mais faut pas le dire. Mais n'importe quoi. C'est le démon qui me souffle. Arrête de le dire, déconne quoi. N'importe quoi, je suis Logan Paul, je ne crois pas en ces bêtises. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit n'importe quoi. Ça va? Bah ça va, et je viens pour la soirée, j'ai mangé tout le monde. Je viens... J'ai mangé tout le monde. Tu viens pour la soirée? Oui. Ah mais personne d'autre est là. Non. Et il est déjà quand même minuit. Les soirées commencent tard en Écosse. Il est bon, minuit pile. Entre donc, de toute façon il y a la place, c'est château. Il n'y a pas de danger vu que tu es seul et que tout le monde devait venir. Exactement, il n'y a pas de danger. Entre... La fumée noire qui sort de tes yeux n'est sans doute pas suspecte. Non mais attends, elle est pas à ce point là quand même. Mais t'imagines, elle fume de mais partout. Le mec est débile, il s'en rend pas compte. Et bah elle fume un peu, bon voilà. Tout le monde voilà. Non mais vraiment, si genre ça fume de ses yeux. Il y a marqué des mots en gros sur son. Elle a des cornes, elle est rouge. Elle a un badge, je suis Lucifer. Cette personne est digne de confiance, selon moi. Bref, donc elle arrive. Voilà. Et il se passe pas plus grand chose en fait une fois qu'elle arrive parce que. Après, c'est les phénomènes paranormaux qui vont arriver. Oui, bah. Ok. Il va y avoir évidemment. Et du coup, ils sont là comme ça et. Enfin, au début, il veut pas qu'elle rentre. Ouais. Ouais, parce que j'aurais dit bah y a personne et tout, ça sert à rien que tu viennes. Ouais, repars chez toi. Après, peut-être qu'elle rentre peut chez toi. En fait, elle peut pas rentrer chez elle parce que genre y a plus de bus. Elle est venue avec le dernier bus. Non mais c'est une tannée. À Glasgow, là-bas, ils ont refait les lignes. C'est une calamité. La mère, elle sait pas gérer. Je dis n'importe quoi. J'essaie de meubler, mais. On peut faire des films avec n'importe quoi. Hein. Merci François. Elle peut pas rentrer chez elle. Du coup, et il l'invite à rester ici, quoi, parce qu'il y a largement la place. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'a donc-t-il pas fait? Attention, il n'a pas fait attention à qui il faisait rentrer. Il n'a pas fermé la porte. Non, mais c'était pas... Justement, il l'a fermé. C'était une question rhétorique. Hein. Ah oui, c'était juste mal formulé, en fait. Ouais, voilà, c'était juste... Que n'a-t-il donc pas fait? C'était fait exprès, mais c'est pas grave. C'est... J'ai compris. J'ai pas compris. Merci. Et du coup, voilà, Dodo... Tout le monde au dodo. Déjà direct, mais elle dort là-bas. Il peut pas y avoir un petit moment gênant où genre. Où elle il essaye de la draguer un peu. Oui, justement, c'est ce elle que est toute j'allais seule, dire. Genre, j'imagine à un moment il y a genre c'est des canapés et pourquoi tout. Pourquoi elle serait toute seule? Non, mais elle est pas genre, toute seule. Quelqu'un te fait, bah mets-toi là-bas toute mais seule. Mais non, mais elle est venue toute seule. Et du coup, genre le moment gênant où tu sais, ils sont tous assis autour de la table basse sur le canapé et ils se regardent comme ça. On la connaît pas. Non, ils la regardent tous. Ah ouais, et elle dit rien et genre elle est bizarre. Enfin. Elle dégage une aura étrange quand même. Mm. Oui. Et voilà. Du coup. Elle pue en fait. Voilà. Elle pue la merde. Ils sont non, tous mais... sur l'accoudoir du canapé. elle est de c'est l'autre côté. Il faut dire les choses clairement. Mode... Mais pourquoi ils font bah, ça il est minuit, elle s'est pas changée. Bon, voilà quoi. Waouh. Bah, elle pue le démon quoi. Sans le soufre. Non, mais genre. Non, mais faut qu'il essaye de la draguer. Ouais, faut pas qu'ils aillent se coucher tout de suite, ça a aucun intérêt. Ah non. Genre la meuf elle est venue pour une soirée, ils vont au lit maintenant. Une petite scène. Non mais oui, mais elle est arrivée tard, tu vois. Oui, elle est arrivée tard, mais au moins qu'ils boivent une petite bière, tu vois. Ils ont loué la truc pour 5 jours. Non, ou alors non, ils l'ont pas loué pour 5 jours, mais genre après, genre, il y a, tu sais, comme dans Shining. Shining, c'est t'as une route qui est bloquée par la neige. Ah oui, ouais, ils peuvent être bloqués, qu'est-ce qui se pourrait. Ah, un éboulement. Non, des moutons. Qui campent. Ah, des moutons qui font du. Quoi? Qui campent? Qui... Pourquoi? Non, mais des moutons, ça c'est. Font... Ça quand même, ça s'évite des moutons. Mais ils font un sitting, genre ils en ont marre de leur condition de mouton. Et... Pourquoi pas? Qu'en penses-tu? Ils ont une laine jaune. Oh! Fluorescente. Oh. Avec une bande au milieu. Par rapport au gilet jaune. Oui, politique. Vous avez compris? Oh là là. La politique. Ah, yes. Non, mais pas vraiment. Non. Oui. Non, mais pas en vrai. S'il vous plaît. Et du coup, non, mais. Pourquoi vous voulez les enfermer en fait? Bref, pour une raison mais pour en mode huis clos, ils restent juste dedans. Oui, mais non, mais il leur faut un. Enfin, il faut un truc pour qu'ils s'enfuient. Voilà. Parce que sinon ils s'enfuient. Sinon, fini, genre, quoi. Juste il y en a un qui meurt et ils font bon bah juste on se casse quoi. c'est bon, c'est mort. Bah le vent, il y a Logan Paul qui fait un vlog. Il y a Pierrot qui meurt là. Moi je propose d'aller chercher les secours. Ok. Bah, non. Non, mais genre une tempête, de ouf. Ah ouais. Comme dans tous les films d'horreur. Hein. Ouais, une tempête de ouf. Okay. Ah si, la foudre abat un arbre qui tombe sur la route et impossible de repartir. Ouais, voilà. Et non, elle... ou alors elle tombe sur un poteau électrique. Ah ouais. Non, parce qu'il non, faut qu'ils bah non, parce qu'après ils ont plus d'électricité. Ouais. Mais ça arrive après. Ça arrive une fois que la meuf elle est déjà là et qu'ils ont déjà vu la vidéo. Ouais, bah ouais. Et tout. Mais en gros, elle, ou sur un poteau d'internet ou je sais pas quoi. Ça existe ça. Ça existe le poteau d'internet. Peut-être. Bah évidemment. Bah là, dans mon salon, là, tu vois pas le mais poteau. Mais internet, d'internet, ça passe pas par le sol ou je sais non, quoi. C'est les poteaux. Ah d'accord. Et les poteaux. Ouais, ça passe par les sauces. En tant que refrain, on voudrait envoyer de la Sephora. Et du coup, voilà, on avance plus là. Non, pas trop. Bah, en même temps, il n'y a pas de. Comme ça, les personnages du film. Ouais. Cet événement peut arriver genre le lendemain matin. T'es un panneau. Le lendemain matin. Pendant la nuit. Pendant bah, la oui, nuit. Bah, oui. Le reste du tempête film de se déroule de nuit. Tempête de nuit. Non, mais le reste. Ils sont... genre, il y a peu de jours. Non, mais genre, en fait, le temps passe normalement, mais c'est que de la nuit. Tout le temps. On voit pas la journée. Mais non, c'est trop bien. Mec, genre, il regarde, il est 15h. Bah, les mecs, il fait nuit. Et en fait, il dort, ah ouais. Il se réveille, il croit qu'il est 3h du mat. Mais en fait, il est genre 10h. Et il n'y a pas la nuit qui se lève jusqu'à la fin de leur le séjour, jour. En fait. Et... ah, c'est stylé. Ah, ça ouais, fait t'es ouf. Et en fait, c'est la meuf. Mais c'est ça, je crois, il y a un film comme ça. Ah ouais. Non. Mais il doit pas. Ouais, non, mais c'est bien. Parce qu'en tout cas, il est pas assez connu pour que les gens se disent ouais. Ah, mais si, c'est ce film-là. Ou alors, c'est non, un qu'on épisode... peut le prendre. Mais si, putain, c'est. C'est en plus, film de zombies, The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch. Mais je l'ai pas vu. Oui, moi non plus. C'est trop nouveau. Il est pas récent. Ah, le tout récent là ? Ouais. Non, je l'ai pas vu. Genre, il est 20h. Et... enfin, il est genre 3h du mat et il fait grand soleil et. Enfin, des trucs ouais, comme ça. Ouais, mais nous, il fait nuit. Non. Ouais. Oui, bah. Voilà. C'est l'inverse. Le concept, on l'up, là, on le flippe. Ouais, mais c'est grave stylé. Grave stylé le concept ouais. de... Bah, je devrais pas donner des idées comme ça sur internet parce que le jour où je vais faire un film. Bah, de toute façon, ça a déjà été fait par Jim Jarmusch. Bah, déjà, ouais. Mais mal, apparemment, parce que tout le monde dit que c'est nul. Mais oui. Moi, j'ai bien aimé. Ok, bah, t'as pas de goût. Il l'a même pas vu. Du coup, il fait nuit tout je le reste du séjour. Je te rappelle que tu aimes Batman vs Superman. Et j'en suis heureux. Bah, moi aussi, je suis heureux. Et du coup, il fait nuit tout le reste de leur séjour. Ok. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Grave. Ouais, oui. C'est vraiment bien. Parce et que genre, le jour, ouais, ça casse un peu le délire. Genre, ouais. Ça laisse place. Ouais. Tu sais, quand il fait jour, t'as pas peur. Genre, moi, bah, pas trop, moi, non. Pas... alors, par contre, là, il fait jour quand on enregistre. Il y a un démon qui descend de l'escalier, je dis mais mec remonte attends, ouais, en vrai, attends 22h. Attends le coucher du soleil, putain t'es con. Là quoi. Je flippe pas. J'ai vraiment regardé, genre je suis vraiment débile. Mais j'avoue je me suis imaginé un démon descendre en plein jour et t'es là mais non, comment ça marche pas réagirais... en fait. Non mais comment bah, tu en vrai, réagirais non, mais en vrai, c'est en vrai dans mais Shining mais con, Shining il y a des trucs qui coupés, ça se passe qui se passe le jour. Oui mais c'est à l'intérieur. C'est l'ambiance. C'est à l'intérieur et la scène de fin c'est dans une tempête de neige donc le moment de où ils sont dehors dans le labyrinthe de oui, jour. Bon, ouais, c'est assez horrible. Mais c'est pas vraiment une ah non, ça pas, va. Pas la scène, pas la scène finale. Oui, d'ailleurs, la c'est scène pas finale, c'est la nuit. Mais c'est pas ce genre d'horreur que je ouais, veux avoir dans mais mon c'est vrai film. Que ouais, dans Shining, il y a des moments en plein jour et t'es vraiment pas bien. Quoi. Ouais, mais Shining, c'est le deuxième meilleur film du monde. Il y a que Kubrick qui peut faire ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, je me dis, si Orson Welles avait fait un film d'horreur, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été Citizen Kane. Version horreur. Horror version. Director's cut. Director's cut. Ouais, du coup, il fait nuit tout le reste du séjour. Ouais, et bah trop cool. Et ils se posent pas de questions parce qu'ils sont vraiment débiles. Non, en tout cas, Logan Paul se pose pas de questions. Il fait oh, il y a beaucoup de nuages en ce moment. Mais il y a ses potes quand même qui. On voit quand même la lune. Il y a quand même. Oui, c'est le soleil, on peut cacher. Mais non, parce qu'il y a quand même la tempête. Oui, mais il fait nuit quand même. Oui, il fait nuit plus tempête, mais. Mais tout va bien, non, on voit pas la lune. C'est juste un peu de vent. Est-ce qu'il y a des animaux? Oh, si, on fait. J'ai vraiment envie qu'il y ait des moutons, je crois. Et en fait, c'est pas des buissons. C'est des moutons, ils viennent genre toquer à la porte et tout. Mais ouais. Non, mais parce que comme dans les films où il y a des oiseaux qui viennent se cogner aux vitres et tout. Non, ça c'est dans les oiseaux. Les oiseaux. Non, mais je sais pas. Ah, dans. Dans Birdemic. Mais non, mais je sais pas, c'est un truc qui rajoute à l'angoisse. Ouais, mais. Bon, enfin, les moutons, des moutons qui toquent. Des moutons qui toquent à la porte qui viennent faire bonjour. Nous vendons des cookies. On vend des pulls. On vend des pulls. Et comme ils sont jaunes, ils croient que c'est le soleil. Mais non, mais arrête. Mais quoi? Mais on a dit qu'il avait des gilets jaunes. On a de la laine jaune. Mais, oui, des moutons, des moutons. Mais parce que Logan croit qu'il fait jour encore. Non, mais... mais regardez le soleil, non, il a voulu toquer à la porte. Il est vraiment très con. Oui. Ok. C'est pas grave, Sophie. Continue. Et du coup. Ouais. Bref, pas de moutons qui toquent. Pas de mouton qui toque. Non, pas de mouton qui toque. Je suis ouais. Désolée, c'était vraiment une mauvaise idée. Ça m'a semblé bien pendant un quart d'heure. Après, j'ai bah dit. Bah du coup, des vaches. Qui toque. Ou non, mais il peut y avoir un animal flippant, tout un seul. Un corbeau. Ça fait. Non, mais un animal qui est mignon et justement qui réagit. Un corbeau. Ah, hamster. Non, un corbeau. Un corbeau qui agonise genre dans un endroit. Ah ouais. Qui se fait bouffer par un autre corbeau. Non. Genre. Pourquoi pas. Ah, mais ça peut être grave stylé, ça. Genre, il trouve dans une pièce, qui a pas de fenêtre. Une pièce qui n'a pas de fenêtre. Et pas de porte. Mais comment ils si. Y vont? Si. Mais oui. Non, mais c'est une porte, c'est une remise, genre, c'est un couloir. Mais vu que la porte, elle était fermée à clé, ils se demandent comment il a pu atterrir, là. Oui, ou juste les fenêtres étaient fermées et... Mais non, ça veut dire... C'est dans la cave, genre, ils entendent des bruits ça, bizarres. Ça pourrait être, ouais. Genre, tu te dis... Non, mais pourquoi faut qu'il y ait une raison pour laquelle le corbeau, il soit là, tu vois. Oui, mais non, justement, faut qu'on se dise... Mais c'est impossible de toutes les manières, ça peut pas être une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme à cause du vent. C'est la meuf. C'est une remise, genre un placard à balai, et il y a une seule porte qui est fermée à clé, et quand il l'ouvre à clé pour faire le room tour, puisqu'il fait nuit, il s'emmerde, il voit un corbeau agoniser. Donc ça veut dire mais qu'il pas est mort. Ça veut non, pas mort, d'accord. Ça veut dire qu'il et est... il tressaute comme ça. Ça veut dire qu'il est là depuis pas longtemps. Il bat des ailes et tout. Mais ça veut dire qu'il est là depuis pas longtemps, et ça veut dire que... C'est pas possible en fait, parce qu'il n'y a pas de fenêtre et qu'elle était fermée. C'est trop stylé comme truc ça. Ouais, c'est bien. Comme truc d'horreur, ça c'est vraiment stylé. Ouais. Et du coup, que va dire Logan? Logan il va dire, mais non. Bah, mais... bah il va pas bien lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a tasé les rats morts, hein, donc il est capable de faire des trucs. Justement, et il lui donne des petits coups de pied, genre il se filme. Mais réveille-toi! Il lui donne des petits coups de pied. Ah ouais, de ouf! Mais il capte pas une seconde que genre il y avait un rat dans une pièce. Et c'est lui qui le découvre en plus en faisant le room tour. Ouais. Room tour. Home tour. Ouais. Hall. Tu fais un hall. Non, parce qu'il va pas faire. Oui, bon, voilà. Ils sont pas allés faire du shopping. Et du coup, voilà. Et il voit le truc et il lui donne des petits coups de pied dans le corbeau. Ouais. En se filmant. Et il s'envole dans le corbeau. Et après, il arrive vers ses potes et tout. Il fait attends, j'ai trouvé dans le. J'ai une idée. En gros, il s'envole. Il passe par la porte la plus près. Quoi, il s'envole? Il s'envole. Non mais pas Logan Paul. Oui bah oui. Merci. Le corbeau tout d'un coup, il va super bien. Il s'envole comme si de rien n'était et ils essaient de le suivre en courant. Et quand ils sortent pour voir le ciel, il est plus du tout là. Il est plus comme s'il avait disparu. Mais pourquoi il s'envolerait? Comment il s'envolerait? Bah genre il est agonisant, il va pas bien. Et tout d'un coup, ça revient à la normale. Et bam, il s'envole par la porte d'entrée qui était ouverte. Ils le suivent en courant, donc ils le perdent pas de vue depuis 5 secondes. Et le laps de temps de 2 secondes où ils étaient à l'intérieur, lui était dehors, il a complètement disparu, il est pas visible dans le ciel. Pas mal. Okay. Ou alors, j'adore, il le laisse avec dans le corbeau, placard à balai. Et du coup, mais faut d'abord qu'il le montre à ses potes, le corbeau et tout, et qu'il dise, mais tu as trouvé où Mais sinon, il peut le laisser dans le placard à balai, et genre, il va voir ses potes, il fait, venez voir ce que j'ai trouvé et tout, et il revient et il n'y a plus rien. Ah, mais ça et par moment, tu retrouves le corbeau dans la maison. Hors champ, je pense. Là, vu qu'on a les moyens, vu qu'on le fait pas, on pourrait faire le mec, le corbeau, il se relève et bam, il s'envole et il disparaît vraiment. Nous, on le voit pas disparaître en mode comme ça. Et est-ce que ça, c'est voilà. Du coup, c'est avant que la meuf arrive. Moi, c'est pendant qu'elle est dans la maison. Moi, j'aime bien l'idée que. Parce que c'est à partir du moment où elle arrive, pardon, désolé. Que les choses commencent à dégénérer. J'aime bien l'idée que le corbeau, en fait, il aille pas bien, mais qu'il soit toujours là. Genre, peut-être, il essaye de le relâcher à l'extérieur, tu vois. Et il le retrouve à un endroit différent dans la maison. Il arrive à s'envoler un peu, tu vois, mais genre, tu vois, il titube et il re-rentre, il pète une vitre et il re-rentre à l'intérieur, tu vois. Ça marche. Et genre, mais ça peut faire un truc. De Hitchcock. Après, on s'en fout. Ouais, mais là, c'est pas très Hitchcock, mais. Moi, ouais, mais il va pas répéter une vitre à chaque fois. J'aime bien l'idée qu'il disparaisse, genre, c'est un mystère. C'est un mystère, et justement, vu qu'il le quitte pas des yeux, vraiment, c'est inexplicable, littéralement. Et les mecs, ils se disent, bah, il doit voler vite. Ça, c'est le syndrome, typiquement le syndrome de Scully. Oui, non, parce qu'il y a que Logan Paul, il sait pas, genre, il se pose pas de questions, mais les autres, quand même, ils sont là. Mais comment il est arrivé là? Enfin, cette pièce n'a pas de fenêtre. D'issue. C'était quoi? Il y a une trappe, peut-être. Ouais, et lui, il dit, non, il doit y avoir un tunnel. C'est bien connu. Et donc, il aime le tunnel. Il continue son room tour et à un moment, il tombe sur la meuf. Enfin, genre son home tour. Et il tombe sur la meuf. Genre, mais il est toute seule dans un endroit. Dans la salle de bain. Ah oui, ok. Mais on est d'accord, Oui, on est le lendemain là. On est le lendemain. Mais il fait d'abord, toujours nuit. Il y a plus de jour. Il y a toujours. Il y a eu un moment où ils se sont dit putain, c'est bizarre, il fait toujours nuit et tout. Il est 10h et tout. On a tous la même heure là, c'est bizarre. Il y a eu un petit moment comme ça. Il y a eu le moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus internet. Ouais. Et lui, ça, ils paniquent. Ouais, de ouf. Bah, ils paniquent moyen parce qu'ils savent que. Ils sont dans la campagne. Ils ont une clé 4G Bouygues. Oui. Non, mais genre, ouais, ils se disent oh, c'est l'orage, ça va revenir. En fait, ça va pas revenir. Ça revient jamais. En fait, ça va pas du tout revenir. Et du coup, Logan Paul, lui, ça le fait trop marrer parce qu'il est. Genre, il veut faire genre et tout. Ouais, truc surnaturel et tout. Regardez, c'est hanté ici. Mais ouais. En mode blague, tu vois. Alors qu'en fait, il y croit pas du tout. C'est une blague, quoi. Ouais. Alors que c'est vraiment hanté. Il avait raison. Ouais, et voilà, là, je parle beaucoup. Je vois. Mais et moi, du coup, il y a l'incident du corbeau. Et après. Le corbeau, du coup, il vient qu'une fois. Genre, il y a pas de suite au corbeau, ouais, justement. C'est le premier déclic élémentaire. Je trouve que ce qui marche, justement, c'est dans les films d'horreur, c'est quand on t'explique pas. Contrairement aux autres films où on doit tout expliquer, les films d'horreur, quand tu sais pas, t'as peur. Donc c'est humain. Donc, ouais. Moi je trouve que c'est ça qui marche. Et là, c'est un symptôme du problème qui est la meuf. Ouais, c'est vrai. Bah moi je propose qu'il la retrouve dans la salle de bain. Il peut être en train de filmer, entrer dans une pièce, il la voit pas et genre il se retourne avec sa caméra et là elle apparaît dans le champ, il fait genre comme ça. Oh pardon. Ah ouais, mais elle réagit normalement. En fait, elle est hyper flippante, mais elle s'en rend pas compte, genre elle réagit en mode normal comme nous quoi. Ouais. Genre, oh pardon, je t'ai dérangé alors qu'elle était vraiment à 15 mètres et qu'elle est à 2 mètres quand il se retourne. Ah ouais, ça peut être ça. Genre, c'est comme si elle s'était téléportée, comme le corbeau. J'adore les trucs qui se téléportent. Ah ouais, on peut faire ça. Genre, à un moment, elle apparaît dans le champ de sa caméra. Enfin, genre, lui, il la voit dans sa caméra, dans son iPhone là. Ouais. Et après, il se retourne pour lui dire salut. Et en fait, elle est juste en face de lui, genre tout près. Ouais. Ouais. Ouais. D'un coup. Pas mal. J'ai du mal à visualiser le truc, mais. Bah, en fait, en hors champ, elle court très vite. Voilà. Le temps qu'il se retourne, elle est vraiment à deux doigts de lui. Elle était là. Elle a de la transpi. Elle transpire, elle est essoufflée. Vraiment, ça avait fait bien film d'horreur là. Non, mais c'est fatigant d'être un démon aussi. Ils sont obligés de faire des 50 km marathon à chaque fois. Mais du coup, là, vraiment, genre, c'est un fantôme quoi. Enfin, c'est un démon quoi. Y a aucun doute. Moi, je pensais faire des trucs plus. Terre à terre. Insidieux, tu vois. Insidious. Yes. Non mais genre des trucs au début tu sais pas trop si c'est elle et tout, enfin si. Bah là on si sait pas trop, juste là elle est un peu bizarre là, il y a pas. Ouais, bon enfin si tu fais un screamer avec elle, tu sais déjà à la base. Ouais, que... c'est vrai. Non, il y a pas de screamer. Non mais genre juste elle est un peu chelou, tu vois. Des genre elle fait des trucs chelous. Ou alors elle se coupe les ongles de pied. Non, faut faire ça. Ouais, c'est pas chelou de faire ça. Non. Tu te coupes les ongles de pied? Oui. Bon, elle s'arrache la peau du pouce avec les dents. Un truc avec. Non, pas. Ouais, mais ça arrive quand même. Non, en vrai, un truc avec son corps ou pas? Parce que un truc avec son corps, ça peut vite devenir glauque. Ouais, pas un truc avec son corps. Je sais pas moi. Elle est devant l'évier, devant le miroir, elle se regarde fixement. Bah, ouais, voilà, mais un truc comme ça, tu genre les bras ballants et tout. Les bras ballants. Oui, et genre au début, il la voit pas, tu vois. Et en faisant le room tour, et puis là tout à coup il la voit et genre il sursaute, elle tu vois. Bouge pas du genre tout. Elle bouge pas du tout, vraiment immobile, et c'est quand il lui dit mais ça va, et elle réagit totalement normalement, oui ça va, j'étais en train de me regarder, de me refaire mon maquillage et tout. Ou alors elle réagit que quand il genre il lui touche l'épaule, genre il lui fait ça va, elle répond pas, elle reste et tout, après il lui touche l'épaule, elle fait et genre elle revient dans son personnage de meuf normale. Si elle, ouais. Si elle, si elle le... était en train de contrôler elle était en quelque chose. Si elle l'a... Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas. À distance. Ouais, ok, ouais, ouais, bah oui, oui, ça me va. Voilà. Et Après, j'ai pas le veto à mettre, hein, mais juste. Si, si. Ok. Moi, je l'ai fait, hein, donc. Okay. Non, non, mais moi, j'aime bien. Enfin, on a tous. Tous ici, on a un veto. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Je sais pas, j'invente des règles comme ça. Et moi j'ai coup... pas d'autres idées, hein, donc allez-y. Hein. Moi, je... non, d'autres idées, mais... de trucs surnaturels un peu. Ouais, moi je dirais qu'elle disparaît un moment. Et en fait, le mec, enfin Logan, retrouve, enfin la retrouve dans les gens qui sont à la maison. Quoi ? Je sais pas m'expliquer. Dans le sens où comme les gens vont se faire posséder. Non. Ouais, enfin comme si elle possédait en fait les personnes. Mais elle disparaît, il la retrouve pas. Ouais. Et il la. Enfin, elle. Ils agissent rentre... un peu comme elle. Ouais, ils agissent un peu comme elle. Genre chelou. Mais ça c'est plus mais vers la fin. Mais tous en même temps. Ouais, non, pas tous en même temps. Moi je dirais plus ça vers la fin. Ouais, ouais. Ouais. Peut-être, mais faut quand même un truc qui fout les boules. Ouais, faut qu'il se passe un truc à un moment où, quand même où on réalise que c'est elle ouais. Le problème. Ouais, j'ai envie de donc là, là on est à peu près quand même on est à bien les deux tiers du film quoi. Ouais, bon, les deux tiers bien remplis. Bien, ouais. Bien tassés quoi. Bien tassés. Les deux tiers bien tassés. Hop, tu tasses. Et vers la fin ça va être feu d'artifice quoi. De, ouais. De mais littéralement ils font ouais, la fête. Non, les gars, il fait nuit. Ouais. Il fait nuit tout le temps les gars. Oh. C'est la tempête dehors du coup ils font un feu d'artifice dans la baraque. Ah ils savent toujours pas qu'il fait nuit en fait. Mais il n'y a pas la place. Quoi ? Ils savent toujours pas qu'il fait nuit ? Mais si, bah quand même, attends. Si, si, ouais. Mais en fait, ils se mettent tous à flipper sauf Logan. Ouais, Logan, okay. Il fait au boulot tranquille. C'est... Et il faut qu'il y, en ait, juste, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Par contre, là, on a dit des trucs chelous, mais. Qui ouais. Disparaissent. Oui, ou meurent. Mais juste qu'on les revoit plus du tout. Bah. Et qu'on les retrouve dans la cave. Ouais, ouais. Bah, genre à table, le soir. Il y en a un qui tombe la tête dans son assiette et il meurt. Non, mais en fait, tout le monde. C'est pas mort nu, oh, c'est sinon, triste. Sinon, ils font un repas tous ensemble et c'est Logan qui fait à bouffer. Il fait des pâtes, il sait pas faire autre chose. Et il dit à table tout le monde. Il y a une personne qui vient pas et personne s'en rend compte. Personne se dit mais où est-ce qu'il est, etc. Il y a que Logan qui tilte, mais il est où machin. Et on va l'appeler Patrick. Non, Logan il tilte pas. Logan il est teubé. Hein. Ouais, Logan il est trop con. Hein. Non, mais il se dit juste, il a pas non, faim. Non, il faut qu'il y ait un mec. Et eux, mec en fait, qu'ils soient hyper lucides. Ouais, ouais. Non, mais elle les a mindfuck en mode, elle les a possédés, comme l'idée que t'as vu. Ah oui. Il les a possédés en mode, il n'a jamais existé. Il se pose pas de questions. Oh, mais ouais. Ah ouais, de ouf. Et de en ouf. Gros, le mec il a disparu. Et eux, il y a que ils s'en rendent pas compte parce que pour eux, il n'a jamais existé. Et Logan Paul, comme il y croit pas du tout. Ouais. Elle peut pas le. Elle est immunisée, mais comme il est con, c'est pareil. C'est comme l'hypnose, ouais. Tu vois. C'est, comme il est con, il est immunisé, mais c'est pareil parce qu'il est con. Oh. Oui. Ouais. Oui, voilà. Au final, ça. Genre ça a oui, pas mais, d'incidence. Mais après, ouais. Ça va le sauver. Ouais, voilà. Que, c'est ouais, ce qu'il... À la fin, il est seul survivant, mais putain, il faut qu'il crève. Non, ou alors, il survit et il crève d'un truc. Ouais, un truc rien con, à voir, genre nul. Accident d'avion. 50 ans plus tard. Il s'étouffe avec sa cacahuète dans l'avion. 50 ans plus tard, il a un cancer, juste c'est tout. Wow. Bah non. Ok, c'est un peu triste. Oui. Bon, en vrai, là, on est en train de souhaiter la mort de Logan Paul. Ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Mais non, dans c'est le film, dans le film, dans la vraie vie, oui, juste il film. Arrête, mais. Arrête. Non, non, dans le film, le personnage. Oui. Jamais, faut pas souhaiter la mort de gens. Non, non. C'est pas bien. Bah non. Pas, sauf pas. Une personne que je citerai pas. Jean-Marie Le Pen. J'ai pensé à la même personne. Mais il est non, mais en vrai, il est toujours pas crevé, c'est pas juste. Il cherche. Putain. Bref, pas de politique dans ce film. Ouais, non, pas de oui, podcast. Non, parlons pas. Pas de politique, il est nazi. Donc elle les a effacés de sa mémoire. Enfin, de leur mémoire. Ouais, et, ouais. Et le mec, il a disparu. Genre, il est mort en fait, hein, mais on le voit plus jamais. Ouais. Et personne n'y et fait. Logan, et il y a que Logan qui dit il avait pas faim, lui. Et il dit mais de qui tu parles? Ah oui, pardon. Non, oui, quoi? Ouais, waouh! Non, mais vraiment! Genre, même pas, il cherche même lui, pas! Lui, il dit, il était pas au. Il avait pas faim, il a pas entendu qu'on allait manger. Et l'autre, il dit, mais de qui tu parles? On a toujours été que 8 en fait, alors qu'ils sont 9. Et. Elle a dit, ah ouais? Elle a dit, marrant. Oh bah, je sais pas écouter. Oh bah, d'accord. Oh bah, je pensais qu'il était venu. Oh bah, un donut. ouais, bah, d'accord. Okay. Et du coup? Ah, donc ça c'est la première personne qui disparaît. Ouais, ensuite ouais. Il faut qu'il y en ait 2-3 qui disparaissent. Et ouais en même parce temps. Que qu'ils s'en rendent compte à un moment il fait. Ouais. Bon. On était quand même 8 là. On est 2. Moi y compris. Bon, y a plus que moi et toi meuf chelou. Y a plus là. Que moi et tu le sais démon. Que j'ai pas très bien compté mais à ce point. J'avais quand même des moi, potes. Moi j'avais quand même allé jusqu'à 3 et là je peux te dire qu'on est 2 hein. On peut perdre un pote. Mais on peut pas 15. C'est une référence aux tuches. On peut tromper une personne 1000 fois. Non. C'est pas. On peut tromper. Je te retire ton micro. On en perd un. Si, c'est la seule fois où on en retrouve 10. Non. Ils en perdent un et après ils sont 18. Bande de perdus, ils se retrouvent. Non, ça plaît pas trop à Théophile. Genre. Oui. Pardon, j'étais en train de réfléchir. Théophile fait la moue. Ouais. Oui, je sais pas, j'étais pas en train d'écouter en fait, je pensais à autre chose. Ah d'accord. Bah moi je vous propose que les trois disparaissent. Il y en a trois en même temps qui disparaissent. Ah bah oui, parce que sinon. Ouais, ça commence à devenir long. Mais non, ouais. On peut en faire un. Mais ça va de manière. Et après ça va vite. Oui, c'est exponentiel. Ouais, ouais. Après deux, après trois. Après un, deux, trois, soleil. Après. Il a fait rigoler. Et du coup, ça fait. J'ai mal à l'oreille. Six. C'est quoi ton problème? Ça fait. Ça fait six personnes qui disparaissent sur neuf. Ouais. Et après, il en faut trois à la 60. Fin. Non, bah non. Et après. C'est pas ce projet X. Et voilà, après. Ouais, bah ouais. Okay. Mais après, comment ils disparaissent? Alors, donc, il y en a un qui est effacé de la mémoire des gens comme s'il avait jamais existé. Ouais. Les trois autres. Les deux. Trois. Il y en a deux et ensuite trois. On va dire comme ça, ça fait 1, 2, 3. Soleil. Bah, c'est bien, pique mes vannes aussi. Les deux qui disparaissent, je sais pas, ils pourraient. Je sais pas, en vrai, j'ai. Non mais j'ai trouvé plein d'idées. Les deux, genre ils doivent aller, bah parce qu'il y a plus d'électricité. Ils doivent s'éclairer et tout à la bougie et chauffer. Ils brûlent. Ah ouais, se chauffer au bois. Ouais, au bois. Et pour une écharde, ça s'infecte. Non mais du coup, et sauf que le bois, ça brûle. Il est, bah, ça brûle. C'est vrai. Et il est dans une petite cabane. Ah ouais, au fond du jardin. Mais c'est un grand jardin. C'est la cabane au fond du jardin d'ailleurs. Ouais. C'est okay. Exactement, c'est celle-là. Et du coup, ils y vont et ils reviennent. Ouais. Ils reviennent pas. Ouais. Du coup, à la fin, ils ont froid. Ils ont froid, ils ont plus de potes. Et plus de potes. Ouais. Et ils font. C'est chelou là, par contre, ils ont vraiment disparu là. Ouais. Et c'est là qu'ils se rendent compte. L'autre là. Du mec Logan Paul. Logan Paul, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc chelou qui se trame. Et la meuf, elle est où pendant tout ce temps? Bah, elle est avec eux. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Ou pas en fait, ouais. Si, parce si, non, mais. Si, du coup, mais elle est pas souvent là en fait. En fait, ils sont, ouais, elle est pas ils souvent sont là. Genre, elle a une chambre et des fois elle s'enferme dedans. Mais du coup, on avait dit qu'ils étaient 9 tout au début et plus elle, ça fait 10. C'est bien que, genre, elle a une chambre, elle s'enferme dedans et sauf qu'à un moment, genre, vers la fin, genre, elle sort. Non, elle sort pas, mais genre, elle s'enferme dedans de temps en temps, tu vois. Mais eux, du coup, ils en peuvent plus. Ils ouvrent la porte, ils fracassent la porte. Ouais. Et qui est. Qui est satanique. Qui est bloqué dans la clé. Et elle est pas là. Alors que la porte elle est bloquée de l'intérieur et c'est la seule issue. Moi je commence à avoir un peu peur. Ouais. Vas-y, moi aussi ça me fait grave peur là. Vas-y. C'est une bonne idée. Ouais, bien. Ok. Donc ça c'est la fin. Et c'est là, ouais, ça c'est donc, la fin. Oui, donc là il y en a trois qui sont disparus. Ça c'est, ce serait la fin. Ça, c'est quand. Non, mais c'est le début de la fin. Ça c'est quand il en reste que 4, genre quand ils sont plus que 4. Après... Non, à la fin. Non, ça c'est. Ouais, ok. Mais si, après, à ce moment-là, il capte que genre cette meuf elle est trop bizarre et que c'est à cause d'elle qu'il se passe des trucs. Et du coup, il commence à vouloir fuir, vraiment, genre en se disant, mais on s'en fout de la tempête, on se casse d'ici et tout. Ouais. Et là, elle commence à les rattraper, mais genre vraiment, elle réapparaît sous sa forme réelle et elle commence à. Moi j'ai envie que ça finisse dans la maison en fait. Et, ou alors, et justement. Ils, ou pas loin. Oui, non, mais oui, ça finit dans la maison en fait, parce qu'ils peuvent pas vraiment sortir. Et genre, ou alors, enfin, non, mais justement, à partir de ce moment-là, ils essayent de sortir par la porte et elle est fermée. Ouais. Justement, ils rentrent dans la chambre, ils voient, mais elle est où? Enfin, genre, comment ça, elle est où? Et genre, ils se retournent et dans l'encadreur de la porte, oh, elle est derrière et là, il y a la porte qui se ferme. Ah bien! Ouais, c'est bien. C'est bien ou quoi? Je suis grand fier. Mais musique aussi. Et du coup. Mais ça, c'est après. Et ils viennent avec leurs bougies, genre leurs chandelles pour la chercher. Là, parce que là. Il y en a un qui lâche et ça a flambé la moquette. Non. Oh putain, le tapis. mais du coup, il a... Là, c'est après que tous les potes aient disparu. Là, on a que 3 qui sont disparus sur 9. Donc il en reste 6. Ah ouais, c'est beaucoup. On avait dit que ça faisait 1 disparu, 2 disparus, 3 disparus. Ouais. Du coup, là, il faut qu'on fasse disparaître encore 3. Comme ça, ils sont plus que 3. Là, et c'est intéressant. C'est classique, genre ils sont plus que 3, c'est la bande de 3 potes. Attends, parce que pour l'instant il y en a un qui meurt, un qui disparaît et un qui survit. Pourquoi un qui meurt, un qui se sacrifie. Pour l'instant il y en a 3 qui ont disparu. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu le moment avec la porte qui claque ou pas? Oui, non, ça c'est à la fin ça. C'est quand ils sont plus que trois. Oui, c'est ça. Quand ils sont plus que trois, ils décident de dire. Bon, bref, peu importe du coup. S'ils sont six, c'était un peu la miskine, ils sont six. Ouais, du coup, là, on a fait limite le moment le plus flippant. Bon, les trois ont dit qu'ils disparaissent comment? Je sais pas. Ils vont tous chercher un truc et puis. Encore? Mais non, mais c'est. Ils vont chercher les autres? Ils vont au même endroit. En vrai, ce serait drôle. Bah ouais. Ils disparaissent. Ils vont au même endroit. Mais ils ont disparu là-bas. Bah, on va mener une petite enquête. C'est là qu'ils se rendent compte qu'il faut pas sortir de la maison. Mais oui. C'est là qu'ils se rendent compte qu'il faut pas sortir de la maison. Ouais. Exactement. C'est un 8. Avec la musique, ça marche bien. Ouais, c'est ouf. C'est vrai. Oh là là. Et bonne idée. J'espère que vous écoutez ça dans le bus, entouré de gens. Ouais, parce que tout seul chez vous, dans la nuit. Et du coup. La nuit perpétuelle. Du coup. Tempête. Ouais, peut-être de que demain vous vous réveillerez, il fera encore nuit. Et ce sera pas bon signe à mon avis. Moi je dis ça, je dis rien. Bref, et du coup la suite. Donc là les trois ils disparaissent, ils sont comme ça, et ils voient que la meuf elle est pas là. Du coup ils vont dans sa chambre, elle est enfermée. Ouais. Et auparavant on s'est vu que plusieurs fois elle s'est enfermée dans sa chambre à clé. Ouais. Et puis quand on la voyait pas, on entendait un claquement de porte. Pour signifier qu'elle était là. Ou pas, genre, enfin, peu importe. Bref, on la voyait plusieurs fois s'enfermer dans sa chambre. En fait, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir. Depuis qu'en fait, y a Logan Paul qui l'a surpris dans sa chambre. Ouais. Elle s'enferme à clé. Ouais, okay. Attends, il l'a pas surpris dans la salle de bain? Oui, dans mais la salle du de coup... bain de sa chambre. Ah, d'accord. Oui, c'est des chambres. Ok, c'est des chambres de luxe, quoi. Chambres d'hôtel, quoi. Ouais, mais c'est un château. Ok, ah, mais oui. C'est grand, moi je voyais ça passe toujours. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai que s'ils étaient 10, il faut même ouais, si un gros 10, truc. Ouais, s'ils étaient 10, ils ont un petit duplex, c'est pas non plus. Et genre voilà, et du coup, ils vont dans sa chambre. Bam. Et là, c'est fermé. Mais si, il défonce la porte, elle peut pas se refermer de manière crédible. Non, mais genre. Enfin, ou. Si, ou tu sais, ils prennent un petit truc et genre, il décroche le verrou de l'extérieur. Mais non, mais en vrai, c'est Logan Paul, il dirait de merde. Ouais, et tu prends une clé. Avec une pièce, voilà. Logan Paul, il est méga musclé en vrai, il pourrait défoncer la porte, ça donnerait plus. Ouais, mais parce que pour que ça. Ouais, que mais le problème, c'est que quand ça se reclaque dans le sens. On s'en fout après. Justement, ils sont pas enfermés, ils peuvent s'enfuir puisqu'il n'y a plus le loquet. Mais juste, elle se ferme, ça fait un bruit. Ouais, juste pour faire un bruit. Et après, ça rebondit, etc. Ouais. Ok. La porte se décroche et tout. Et après, et juste la porte, elle se dégonfle en fait. C'est un travail d'orfèvre comme démon. Et donc, le après, démon est précis. Après, ils se disent bon, faut surtout pas qu'on se sépare. Donc là, et là, ils se séparent. Hein. Il reste Logan Paul, Jake Paul. Ah oui, c'est vrai. Et le mec intelligent du début. Ouais, qui s'appelle le pas Patrick. Con. Pas forcément intelligent. Ouais, le non, Patrick, ouais, c'est celui qui a disparu. Le lucide. Le lucide, voilà. Ouais. Et voilà. C'est les trois On l'appelait Glucide. Bah, il s'appelle Glucide d'ailleurs. Comment s'appelle le film? On n'a pas de titre. Ah titres. Bah, ouais, c'est vrai. Moi j'aimais bien Logan Paul et ça clique. Non, mais non, et ça clique, mais genre, et c'est apostrophe EST, ça clique faut genre. Faut un titre qui. Ça clique genre, tu. Qui donne envie de cliquer, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. On va réfléchir ça à la fin. Ouais, on va réfléchir ça à la fin. Ok. De toute façon, les gens ils ont déjà cliqué, tu vois, donc ils connaissent déjà le titre. Nous, c'est juste, nous on est dans le passé, tu vois. C'est vrai. On est dans le passé. On a un avantage. Du coup. Il faut pas qu'ils se séparent. Sauf que Jake Paul, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sépare. En fait, il sépare, mais il s'en rend pas compte, tu vois. Genre, au début. Putain! Merde alors, j'ai essayé de rien. Non, mais lui, il s'en rend compte, tu vois. Mais eux deux. Bordel! Ils se rendent pas compte que Logan est plus là. Ouais, que Jake Paul est, que parti. Jake Paul est parti. Jake, c'est le frère. Ouais, c'est le frère de Logan Paul. Attends, et lui, il dit. Alors, Jake se rend compte qu'il est tout seul, mais les deux autres se rendent pas compte. Quand il en reste trois, il faut qu'il y en ait un qui disparaît, un qui se sacrifie pour que le dernier survive. C'est la règle du trident. C'est pas du tout ça, c'est un autre. Non. Genre, Logan Paul à la fin, c'est pas du tout le gars, il se sacrifie. C'est Logan Paul qui le balance. Genre. Oui, non, mais un qui meurt pour que l'autre survive. Ouais, je suis d'accord. Il sacrifie son frère, le bâtard. Non, mais oui. Il sacrifie Glucide. Son frère a disparu. Il sacrifie Glucide. Ou il pense que c'est Lucide qui a tué son frère. Et du coup. Non. C'est ta faute. Mais... Dis que c'est sa faute. Non, parce qu'il est vraiment stupide. Il fait pas la connexion. Ouais. Non, juste lui, il fait je suis en danger, je suis en danger, je balance mon pote. Ouais, bah ouais. Instinct de survie. Ouais. Bon, voilà. C'est ça. Et du coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour que. Donc, Jake la porte se ferme derrière eux. Là, on était là. Ah oui, d'accord. Mais non, mais. Merde. Il était pas en but. Donc la porte se ferme derrière eux. Ils sortent de la porte un peu paniqués quand même. C'est pas grave, c'est pas. C'est un peu paniqué. Ouais. Mais ils se disent, ils sont confiants en mode on est trois. Quand t'es deux, t'as un peu peur. Quand t'es trois, voilà, chacun a le dos de l'autre. Tu vois. Mmh. Ouais, et ils avancent avec la lumière de leur tel. Ouais. Mais parce que. Ils vloguent en même temps. Ils ont toujours de la batterie ? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, oui, mais oui, ils ont ramené plein de batteries portables. Ouais. Ouais, mais c'est Logan Paul. C'est, ok. Il a, des télé, ils ont, il a un téléphone hyper. De toute façon, c'est un film d'horreur. Hein. Justement, oui, leur batterie, elle affiche genre 101%. Ah, ouais, ils sont là. Ah, quoi. Bah, tant mieux. Non, ou genre ils ont ils bientôt. Pas... Ou alors ils ont bientôt plus de batterie, mais ah comme il ouais, n'y a plus d'électricité et tout. Ils sont obligés. Et genre quand la porte s'est fermée, toutes les bougies ah ouais, qu'ils avaient installées se sont éteintes. Ouais, dans toute la maison. Oui, ils avaient installé plein de bougies. Partie... Tout est noir. Il ouais, fait froid. Et du coup, ils peuvent. Et genre, il leur reste genre 14% de batterie. Tu vois, sur très précis. Sur un portable. En mode avion. Non, ils ont deux portables. Et il y a Logan Paul et Jack Paul qui ont chacun un portable. Jack Paul, il a celui avec plein de batterie. Mmh. Mais sauf qu'il disparaît. Et Logan Paul, il en a un avec peu de batterie. Mais ils mettent les deux en même temps parce qu'ils sont stupides. Ouais, bah ouais. Non, mais ce serait bien un truc mais sur le téléphone. Paul, un tout petit détail sur le téléphone qui fait que même le téléphone est hanté en fait. Il échappe pas à la meuf. C'est pour ça le 101%, je disais ça, c'est en mode. Il y a une photo dessus qui. Non mais. Il est craquelé. Je sais pas si. Pour ton idée. Je sais pas si le fait que le téléphone soit hanté soit hyper pertinent. Non mais c'est pas hanté, c'est juste un détail. Non, un détail. T'as un insert. Dans le film, t'as un insert où il a plus beaucoup de batterie et en fait, c'est à moins 1%. Non, genre, ça se met très très vite à 666 et genre sur la batterie ça se remet mais c'est films ouais c'est nul mauvais ouais, bah mais, ouais mais non mais là pour l'instant on est parti sur un méga bon film on a mis une barre haute quand même ouais, en termes de qualité. C'est quoi, je mets mon veto sur le truc de la batterie. Mais arrête, il est trop bien, genre tu vas il est à zéro, il dit putain ça va s'éteindre, en fait ça va à moins 1 et le gars il dit mais je vois pas en quoi c'est flippant. Mais non mais il comprend pas, c'est un truc qu'il comprend pas, et quand tu comprends pas t'as peur. C'est oui, humain. Pas vrai là pour la batterie, je sais pas. Ne t'accroche pas à cette mais idée, c'est mais pas il a la batterie. C'est pas très grave. Bah c'est pas grave, et bah on arrête. Si puisque peut... c'est comme ça, intérieur nuit, c'est fini. C'est... Si on peut pas s'entendre sur un détail comme Théophile ça. Et parti du podcast. Du coup. Bienvenue. Non mais Jack Paul, genre il entend un bruit ou il voit un truc. La batterie. Mais. Pardon, arrête. Ah ouais, genre les deux ils marchent devant et lui ouais, il entend un truc et du coup truc il derrière, se retourne dans un couloir, mais qui n'est genre, plus là et ils disparaissent les deux dans le noir. Quoi? Ah ouais, il se retourne genre il met son téléphone devant, il regarde et puis quand il se retourne vers eux ils sont plus là, ouais. Ils ont trop avancé. Ouais, de ouf. Ouais. En mode ils ont trop avancé mais t'entends pas. Donc trop ça, marcher. C'est Jack. Et après Jake quand il avance, genre il en fait est dans un couloir mais qui fait en carré. Ah et ouais, genre, il et fait des coup, tours ouais, en fait et jamais en fait il y a aucune porte, il y a aucun endroit. Ça c'est bien ça. Et il se rend compte en fait que les corbeaux apparaissent. Si je tourne toujours à gauche, logiquement je devrais sortir. Ouais, voilà. Ah oui, et après genre... il peut se mais faire attaquer coup, par il... le corbeau. Corbeau ouais. et en fait okay, il dédain. Voilà, il se rend compte que que quoi ? T'es anti-animaux. Non, bah non, justement, on dit qu'il faut pas qu'il meure. Bah non, mais juste le corbeau il l'embête quoi. Enfin, mais non, mais on a avait dit qu'il revenait jamais. Corbeau. Mais ok, d'accord. Mais c'était juste comme ça. Et vous avez pas ah oui. Non, mais continue sur ton élan. Inspiré, allez-y si vous voulez. Quand on a une idée, on ne s'arrête pas. Non, mais si. tu disais. Et du coup, je disais qu'à un moment, il y a genre. Il tourne, tu vois, ouais. Et à la Shining, il tourne toujours dans un coin. Et il y a la meuf qui est là. Et puis et on le revoit ouais, plus. On voit pas ce qui se passe. Non, voilà, on dans le film, on doit pas voir ce qui se passe. On voit pas ce qui se passe. On n'entend rien. Non, on n'entend rien. On ne voit plus jamais. Ouais, il okay, disparaît vraiment. Comme oui, tout le monde. Il disparaît vraiment, il revient plus jamais. Et après, on voit juste Logan Paul et son pote. Et ouais, qui sont encore. Et à la fin du film, ce il reçoit film un. Est trop stylé. Et à la fin du film, il reçoit un message de ton frère. Mais... crypté avec plein de sigles bizarres. Ouais, bah ok. Et ça annonce une. Je te l'accorde, tu vois, je te l'accorde. Il est bien. Oui. C'est pas. Et la batterie est à moins 1%. ouais, et du coup, et donc lui il disparaît. Et après ils se rendent compte qu'ils l'ont pas su. On revient sur Logan et Glucide. Glucide. Rend honneur à son prénom. Et voilà. Oui, mais il faut un moment où le sacrifice, dans quelles circonstances en fait, ils croisent la meuf de loin, au loin, ou alors ils entendent un truc, et juste Logan, il a juste un réflexe primaire, c'est il le pousse. Et il se barre en courant. C'est tout. Ouais. C'est tout. Enfin. Non, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a mis comme barre de niveau. Ouais, d'accord. Comme barre de niveau. Bah voilà. La barre est haute. C'est quand même assez haut là. Non mais c'est barre de niveau. Attention, on faudra faire gaffe à racheter des chaussures tous parce qu'on a beaucoup les chevilles qui ont enflé. Oui. Si on se vante. Pour ça, oui, oui, oui, j'ai compris. Ouais, bah la fin, je sais pas. Comment il se sacrifie le gars? Bonne question. C'est Glucide, tu vois, on n'a pas un intérêt émotionnel fort avec Glucide. Ouais, avec quelqu'un même. Bah non, mais en fait, on s'en fout d'avoir. Bah Logan Paul, on le suit depuis le début, tu vois. C'est pas pareil. À la limite, c'est Logan Paul qui meurt. Non, pas Logan. Bah non. On avait dit mort nul. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ils meurent tous. Il faut qu'ils reçoivent un message à la fin. Ah oui. Genre, il reçoit un message de son frère qui dit derrière toi. Et il se retourne, elle est là. Ouais, et là, ils sont tous en train de les regarder en fait. Et du coup, il l'a. Ouais, je sais pas. Ah, tous en mode fantôme. Ah, voilà, tous les cadavres. En fait, ouais, c'est pas des cadavres. Genre, ils ont les yeux illuminés blancs. C'est les seuls la seule chose qui éclaire dans le noir. Et ils sont tous autour de lui. Tu sais, comme dans Harry Potter, quand il y a les morts et la pierre philosophale. Ouais. Dans le 7. Ouais. Tu vois, c'est à Théophile parce que je sais pas si t'es. Je sais pas, mais vas-y. En gros, il est tout seul. Et tout autour de lui, il y a les 8 personnes qui sont déjà mortes. Enfin, les 7 personnes qui sont déjà mortes, dont son frère. Qui sont là avec des yeux illuminés, un peu comme dans Midnight. Je sais plus, un film de science-fiction. Et ils ont tous les yeux illuminés de blanc et qui éclairent beaucoup. C'est pas. Je vois. Avec un gamin. Oui, c'est ça. Qui doit retourner chez les extraterrestres. Oui, c'est ça. Et. Midnight City ou un truc comme ça. Non, c'est une science. C'est pas Midnight Special ? Oui, c'est ça. Midnight Special. Midnight Special. Il est très bien, allez le voir. vas-y. Ça va, hein. Et du coup, c'est la seule chose qui est claire dans le noir. Et là, il y a que les cadavres autour. Donc là, déjà, ils commencent à flipper, les deux. Oui. Et tout d'un coup, dans le noir, éclairé par les yeux fluo, on va dire, enfin, luminescents des gars, des cadavres, il apparaît la meuf au centre, en face d'eux. Et donc là, Logan, il a le réflexe de pousser Glucide sur elle. Elle se le prend et elle tombe et il court. Et on le suit, on revient jamais sur ça. Et on le suit à courir pendant sur des plans très très larges dans la forêt, dans la nuit. Ouais. Hyper flippant parce qu'il n'y a aucune lumière, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de route. Il est dans la forêt avec des moutons, si tu veux absolument qu'il y ait des moutons. Bah voilà, non, parfait. Et jaune d'ailleurs. Et voilà. Et après, ça se finit sur un. Je sais pas. Trébuche sur une branche, il se casse la tête par terre et il meurt. Non, mais il reçoit un message à la fin. Ah oui. Mais du coup, il a déjà reçu un message. Il s'assoit sous un arbre. Il a reçu le message derrière toi, mais il a pas reçu le message de. Crypté. Ouais, voilà, avec les sigles que tu peux pas faire sans copier-coller. Et du coup, il est dans la forêt comme au Japon, petite référence. Ouais, il est dans une forêt. Il retourne dans la forêt, et en fait, il se rend compte qu'il est dans la forêt. Il se retrouve. Ça n'a aucun sens. Et là, il se retrouve nez à nez avec le cadavre de le mec pendu. Et là, son téléphone vibre. Il regarde le message. Il y a marqué Jake Paul ou alors frère. Je sais pas comment il l'appelle dans ses contacts. Frère. Brother. Hey brother. Et il reçoit un truc avec. Enfin voilà. Je sais pas comment. Et là, il lève la tête et il y a le cadavre pendu. Non, juste les pieds. Non, on voit rien. On sait pas ce qu'il voit justement. Si. Bah, okay, moi je veux savoir. Je suis pour ou alors juste on entend le bruit de la corde. En vrai, faudrait le voir. Parce que sinon, juste les pieds. Les films qui finissent comme ça, j'en connais plein. Je connais plein des gens qui se disent mais c'est une fin ouverte, c'est nul. Alors que c'est le principe. Oui. Mais tu sais pas ce qui se passe à la fin. Juste les pieds. On met une fin fermée. Juste les pieds. Ouais. Ça veut dire vraiment. Logan Paul est assez grand. Genre les pieds du mec, il lui arrive vraiment. Bah s'il s'est pendu. C'était un mec. Oui, d'accord. Mais... Oui, mais l'arbre, il est très. Juste, peu importe. Il y a plan sur son téléphone en contre-plongée. Ouais. Et genre, il le range comme ça. Et là, on voit les pieds du truc. Du cadavre. Et il le filme. Du truc. Et voilà. Et qu'on reconnaît parce que c'est un truc spécial. Et après, genre, plan. Contre-champ. Contre-champ sur le visage de. Et c'est le visage de Logan Paul. Et c'est lui, il lève la tête juste et il regarde. Et puis on. Et c'est la tête de Logan Paul. Non mais c'est tout. Non mais ça va. Stop, c'est la fin, c'est tout. Oui, on s'arrête. Ok. Et fin, générique. Comment s'appelle le film? Logan et sa clique. Un démon arrive dans ma maison et défonce tout. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Et le titre du film, à partir des éléments que nous avons pu analyser précédemment, je commence une conclusion de... Ouais, vas-y. Je sais pas, j'ai pas de... J'ai pas de titre vraiment. Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul, ouais. Ouais. L'épopée. Non. L'épopole. Bah, c'est bien. Ouais, mais ça va pas faire cliquer des trucs sur un film d'horreur. Bah, l'épopole. Popole, ça fait cliquer. Hein. Popole. Non, mais attends. Honnêtement, on va parler des statistiques. Le truc qui a le mieux marché à part le premier épisode, c'est celui où on met capote dans le titre. Donc, il faut que ce soit un truc sexuel. Il y a eu cannabis qui a bien marché aussi. Ouais, aussi, comme par hasard. Mais sinon, on l'appelle capote et cannabis. C'est vraiment projet putaclic. Non, mais... Ah bah oui, un truc avec projet X. Bah très bien. Projet XXX. Bah non, parce qu'il faut Logan dedans. Bah non, on s'en fout. Mais pas forcément. Projet XXX. Ok. Mais vous, tentation. Putaclic. Bah oui, c'est du putaclic. Non, non, moi je cliquerai pas. Non, mais parce que ça marche, parce qu'à la base il veut faire un projet X. Mais sauf ça, que genre il veut ça, faire. Les... Parce qu'au début, oui, mais il dit, personne je ne sait faire, je veux faire, parce que je veux faire un projet X, X, mais genre. Ou genre. Hard. Projet XXL. C'est une start-up en fait le truc, c'est juste. Parce qu'il veut faire un gros projet X. Mais attends, mais tu dis c'est du putaclic, mais les gens ils vont le découvrir que maintenant. Il faut qu'ils écoutent 2 heures de podcast ouais. avant pour découvrir que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, bah projet XXX. Voilà, vrai. Mais au moins nous on avoue que c'est fait exprès pour que les gens cliquent. Oui. Ouais, bah ok. On assume. Et c'est pas. Eh, ok. Calmer. De toute façon, il faut que ce soit putaclic. Enfin, on parle quand même de les Logan gens Paul, n'écoutent quoi. Pas les podcasts si on y a oui, pas de ça parle de Logan Paul, donc c'est ouais. putaclic. Logan ouais, Paul déjà. En, à la base, en 69. Bah ça marche. Ok. Sur et ça se passe en 1900. C'est. Moi, je pense que c'est une belle conclusion. C'est une ouais. belle conclusion. Ça vous a plu ? Ouais. Ouais. J'ai apprécié. En vrai, j'ai un peu peur maintenant. Pourquoi ? Moi aussi, là, ah ouais je suis. Ouais. Moi, j'entends des bruits un en peu fait, des fois. Dans, et je suis dans là, 10 minutes, je suis tout seul chez moi. Il fait nuit. Et on vient de raconter toute cette histoire. Nuit de quoi ? Il fait pas nuit du tout. Dans 10 minutes. Oh, la nuit, elle se couche à 22h. C'est une illusion. Il n'y a pas de vidéo, ils le voient pas. Ils sont pas obligés de le croire. Écoute, vous gâchez moi tout va bien effets. Se passer. Non, moi ça va, je suis pas trop. Fou. Non, non, mais c'est une blague, mais. Oui, non, mais moi je trouve qu'on a eu des bonnes idées quand même. Ouais, ouais, on a eu des putains d'idées. Je suis pas mal fier de ce film. Voilà. Ouais. Là, et je suis de plus en plus fier des films qu'on écrit quand même. Ouais. À force de. Je trouve, mais on s'améliore. On s'améliore vachement en écriture. Eh ben écoute, je pense que grâce à ce podcast, vous allez devenir réalisateur au podcast. Au moins stagiaire. J'espère. Et puis, ouais. Oubliez pas de laisser des petites étoiles. Bien sûr, putain. Podcast. Ah, on l'a pas dit au tout début. Bah attends, je vais le monter. Ok. Bonjour, c'est Théophile du futur. au début, j'avais oublié de dire, de vous dire de laisser des étoiles sur iTunes pour faire monter le podcast. Mais faites-le. Voilà. C'est parce tout. Que c'est sympa et si vous aimez bien. Attends, voilà, qui es-tu faites-le. Oh mon Dieu! Tu es Antonin du futur. Du futur. Allez, on retourne dans le... Dans le présent. Ouais. Dans le présent. Présent. Bah, c'était super. Hein. C'était super. Bravo à tous. Alors, je pense qu'on peut se le dire. Ouais. 1, 2, 3, 4, c'est bon. C'est pas plus de 4 sur Intérieur Nuit. On s'applaudit pas plus. Okay. Parce qu'on est fiers, mais pas, trop, pas orgueilleux. Oui, voilà. Et du coup, le mot de la fin, comment on fait ? Le mot de la fin, bah je pense que on peut, je sais pas, on peut dire au revoir. Juste, on dit qui on est. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Où est-ce qu'on peut se retrouver ? Pourquoi pas à la fin ? J'avais hein. oublié cette partie du podcast. Bah oui. Voilà. Bah, du coup, oui, on va commencer par les invités. Oui, les invités. Je t'en prie. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Christina. J'ai 18 ans. Je suis actuellement en pleine révision du bac. Voilà. Et gros big up à ceux qui passent le bac. Gros big up. Qui sera déjà fini. Qui oui. sera oui. fini. Ah non, bah non. Non, il reste une année. Il reste une année. C'est vrai. Et voilà. Je vous invite à envoyer, à harceler Théophile de messages pour qu'il vous invite à ce podcast. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et l'inonder de votre culture. Voilà. Et je laisse la place. Parce qu'il en a pas du tout. Exactement. Non, en vrai, sans lui, ça marcherait moyen. Non, mais parce que t'as de la culture quand même. Ah, le podcast, non. Oui. Non, oui, bah, oui moi, voilà. C'est vrai que tu. Non, mais je suis que co-animateur, c'est pas grave. C'est un travail à deux, c'est un travail. Ah là là là là. Vas-y Noémie. Bah, j'ai pas quoi dire moi. Bah si, t'as une bio. Bah si. Ah salut, moi c'est Noémie, j'ai 19 ans et... C'est tout. Franchement, je m'arrête là. Non, mais je sais pas. Pour info, d'habitude, quand on invite des gens, ils disent s'ils font des trucs sur Internet, ils le disent. Ah ouais, j'ai un compte Instagram. Bah, tu peux le dire. C'est Unautimes. Mais c'est un peu compliqué. Mais je vais pas les plaire. Donc, okay. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Si vous êtes bon en anglais, tant mieux pour vous. Unautimes. Pas du tout. C'est pas ça. C'est anglais. Je sais pas, enfin. Et si tu fais. Je sais pas, je crois que vous connaissez Théoville par le théâtre, oui. Il me semble. Oui, voilà, oui, si parce que. Si vous faites des représentations, si vous faites des trucs, c'est ça. Bah non, en fait. On va pas dire le nom de la ville parce qu'on a pas envie de se faire harceler. Non, les messages de fans vont. Ouais, c'est sûr. Hein. On a quand même eu un. Je peux passer mon mail pro si vous voulez. Pour les deux manques uniquement professionnels. C'est vrai qu'on a eu un fan art quand même. Ouais, bah, ça, c'est fou. On n'a plus eu depuis, mais. Ça ne saurait tarder. Je rigole, j'adore rigoler de mon orgueil. voilà, Théophile, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, Théophile. Sur internet depuis 1984. Ouais, pas mal. Depuis longtemps, quoi. Le gars est là, quoi. Ouais, le gars est là. Le Chroma Queer est enfin sorti. Oui, il est yes. enfin sorti au prix de 14,99€. Ok. Donc, c'est un fanzine queer dans lequel j'ai fait une BD qui est disponible sur la page Instagram de Petit Pied. Qui est bien plus connu que nous, donc qui est bien plus connu. Pas besoin de pub. Un truc très courant chez Théophile, c'est qu'on sait jamais ce qu'il fait. Du coup, c'est bien que tu nous le dises. Voilà. Bah, en parlait dans le précédent podcast. J'en parle dans tous les podcasts. En fait, ça fait 4 podcasts qu'on dit que ça va faire. Oui. Ah, c'est pour ça. Ça fait plaisir que la personnalité ne tangente pas. C'était pas à la fin parce que moi je l'ai entendu alors que j'ai écouté que la moitié. J'ai dû être encore une fois dans ma salle. Ouais, l'épisode dernier il y avait Petit Pied donc sans doute. Ah oui, c'est pour ça. Donc Petit Pied, oui. Ok. Oui, avec Petit Pied. Et sinon, je vais partager ici maintenant mon compte Instagram de dessin. Oui, c'est vrai. Qui s'appelle no.reason. No reason drawing. Drawings, je crois que c'est ça. Bref. Aucune raison de dessiner. Peu importe. et mon Twitter, Théophile-AV. Et mon Insta. Et mon Snap, mon gars. Ajoutez-moi. Théophile-AV. Et puis mon Skyblog aussi. Et toi, Antonin? Moi, Antonin, je fais pas grand chose sur internet, donc mais voilà. Il y a des bandes annonces? Je fais des fausses bandes annonces, apparemment. Ouais, qui sont pas. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais. Et qui sont sur mon compte YouTube, NYNOTANA. Bah, pas mal. Comment? Pas mal. Ouais, pas mal. Et pareil, même identifiant. Ça marche bien, c'est. On parle de chiffres. Ça coule de source. Non. Ça veut rien dire. Ouais, ça n'a aucun rapport. Et pareil pour Twitter et Instagram, mais je ne poste pas grand chose donc. Ok. Donc voilà, mais vous allez bientôt pouvoir peut-être me retrouver une série que je suis en train de produire pour le temps. Je l'ai vue, elle est super bien. Mais pas du tout. C'est faux. Mais elle est sous forme de scénario vraiment. Oui, mais je l'ai lue. Et voilà. C'est faux. Mais non, toujours pas, il y a un leak. C'est quoi, et ça a leaké, fais gaffe. Non, bah alors du coup, maintenant le mot de la fin. Christina, enfin pas que Christina, en fait, on va tous dire le premier mot qui nous passe par la tête en commençant par Christina. C'est long. Maintenant. Bou. Cheveux. Stickers. Micro. T'es pas original.